Bonsoir Mickaël, on a débordé, je suis désolé. Oh là, c'est pas grave, tu seras fouetté par Toff demain. 23h01. Voilà. Pardon. Non, pardon. C'est rien, écoute, c'est pas pardon, grave. Oui, continue à t'excuser, j'aime bien. J'aimerais bien être fouetté, oui. Par qui tu dis bah, par Toff, attends, ah, il est aux toilettes, là, il prépare la cravache. Ah, j'ai une préférence pour Polo. Hein. Ah, Polo, nouvelle coupe de cheveux, oui. ça m'excite. Ça, mais c'est Miko de l'Eurodance qui arrêtait pas de lui prendre la tête depuis des semaines. Et là, dimanche prochain, je peux te dire que Miko sera ravi. Hein. Ah bah écoute, tu penses qu'ils font des trucs ensemble quoi. Bah, non, pas forcément, mais il peut juste être ravi comme ça, hein, il voulait lui offrir une tondeuse. Bah voilà, je pense que c'est fait. Ouais. Vous avez déclenché une guerre avec Jared Leto, votre invité demain. Pourquoi ? Les filles se battent ici dans cette émission. Ah oui, je sais, ouais. Pour pouvoir le rencontrer. C'est vrai, eh ben non. Non, je veux juste faire une photo assis sur ses genoux. Je veux dire, c'est y a vrai rien de bah oui, bah, rien de grave, rien d'exceptionnel. Bah non, il y en a, ils veulent une photo avec le Père Noël, moi j'en veux une avec Jared Leto. J'imagine. Et qu'est-ce qu'elles ont avec Jared Leto ? Mais je sais pas. Regarde sa photo, tu vas comprendre ce qu'on a. Ah bah, quoi, il est beau. Oh, pas autant que moi, mais enfin bon, allez, c'est un détail. Bien d'accord. Bon, bonne soirée à vous. Bisous, salut, à demain, tout le monde. Et on se retrouve là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Ciao, à demain. Moi, je me masturbe. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah bah j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet ce soir. Là, quel bonheur de vous retrouver chaque soir un petit peu. De plus en plus nombreux, je vais dire un petit c'est peu vrai. Plus nombreux, pas du tout. Hein, de plus en plus nombreux à l'écoute de Mickaël. Nos limites et c'est grâce à vous hein, qui en parlez de plus en plus, qui parlez de plus en plus de l'émission à tous vos potes, etc. Je suis perdu moi ce soir, je suis perturbé. Pourquoi ? Bah je sais pas, Toff est arrivé, j'ai vu cette gueule, je me suis dit, je croyais qu'on allait se faire braquer, mais c'est en fait ça. Non, c'est j'ai été perturbé, mais c'est désolé, pour ça. Désolé, j'étais retenu. Oui, bah ça arrive même au meilleur, la preuve, effectivement. Bon, donc je le disais, vous le savez, il se passe enfin quelque chose à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe le 23h à 2h du mat, du lundi au jeudi et puis tous les dimanches également, de 20h à minuit. On a également. Où est-ce qu'il est ? David qui est avec nous maintenant. Salut David. Salut Mickaël. Comment salut, ça va ? Ça va, la pompe, tranquille. Eh bah tant mieux alors, bienvenue à toi David, passe une bonne journée. Ouais, ça va, tranquille. Tu fais quoi dans la vie? Je suis pâtissier. Ah bon ça. Bon malheureusement t'habites à Nice, c'est un peu loin de la radio. Mais le jour où on passe à Nice, fais-moi confiance, on passera te voir. Avec plaisir. Et on compte bien repartir le bide plein. À craquer. T'inquiète. Bon, ça va alors. Bon, reste avec nous, David. Si vous voulez, bah, comme David, passer à l'antenne avec nous, n'hésitez pas hein, pour dire ce que vous voulez. Eh bien, vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et on vous accueille avec plaisir. Sandro également au standard, au taquet. Ouais. Très bien. Il y a Toff qui a passé des petits appels à ses amis. Hein. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, bon, qu'est-ce que je les aime. Hein. Et Polo qui prépare la nouvelle épreuve des Jeux Olympiques de saut de ski. Il y a la vidéo du patinage artistique. Enfin, patinage de vitesse. Ouais, c'est plutôt patinage de vitesse parce que de toute façon, ce n'est pas artistique du tout. Hein. Que ce soit clair. Non, dans pas tous du les tout. Cas, ce n'est pas artistique. Mais vous pouvez aller la voir. Elle est dispo sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre avec plaisir, évidemment, hein, pour voir cette magnifique épreuve hein, où la Belgique tentait de battre la France. La France c'est a gagné. Vrai. Mais oui. C'est ça, c'est toujours ça, la France ouais. gagne toujours. Ouais, ne t'emballe pas non plus. C'est vrai. Non, c'est totalement faux d'ailleurs, hein, il faut le savoir. C'est vrai, c'est vrai par contre. Bon bref, si vous voulez aller voir la vidéo, elle est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. On va saluer également Christopher qui est avec nous. Salut Chris. Salut toi. Ça va et toi? Impec. T'es en forme ou quoi? Tranquille. Bon, t'appelles du Nord toi? Ah ouais. T'as pas l'accent pourtant hein. Non. On y était dans le Nord. Ah oui, on y était. Bon alors Christopher, on va te faire péter la colle là maintenant pour que tu puisses repartir avec le smartphone Arcos 45 Platinum. Ça vaut 200€. C'est avec Android à l'intérieur. C'est la tuerie monumentale du moment. Et tu vas pouvoir peut-être repartir avec si tu arrives à coller tout le monde. Tu vas donc poser une colle. Si personne trouve la bonne réponse, tu gagnes et tout le monde perd forcément. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, donc ça veut dire que en gros, il a été tiré au sort et qu'il donne la bonne réponse à l'antenne, c'est lui qui gagne. À ce moment-là, tu perds. Vas-y, on t'écoute, Christopher. Alors, la cote, c'est personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je ? Bon, personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je ? C'est bien ça ? Ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, dès maintenant, allez-y pour les inscriptions. Tapez Mickaël suivi de votre message, de la réponse en l'occurrence. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et puis si vous êtes tiré au sort, eh bien à vous le smartphone, l'Arcos 45 Platinium. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Dans 3-4 minutes, je vous mets la colle en ligne. Facebook.com/Mickaël officiel. Bien entendu, vous allez pouvoir lire la colle et y répondre aussi gratuitement. Je vous souhaite bonne chance. On donne la réponse avant minuit 30. Tu restes avec nous du coup, Christopher? Ouais, ouais. Très ouais, bien. Eh bah parfait. Tiens, puisque t'es là, David et Christopher, il y a un son que vous avez envie d'écouter en particulier ce soir? Moi, Avicii. Avicii, eh bah ben pourquoi pas, celui-là? Non, et Brother. Hey Brother, oh putain, je peux plus l'entendre celui-là. Je vais te le mettre pour te faire plaisir, hein. Mais merci. Je ne peux plus l'entendre celui-là. Oh, hey Brother. Bon, ben on te le mettra tout à l'heure alors, hein, pas de problème, tu vois comme quoi. Et toi, tu veux écouter un truc, David? Ah, un petit Daft Punk. Un petit Daft Punk, très bon choix les Daft Punk, surtout le petit dernier en date là. Oui, bien, ouais. On se le mettra. Voilà, bah avec plaisir, on mettra ces deux-là tout à l'heure. Je vous cale aussi, si vous voulez, tout à l'heure aussi, le son de Pharrell Williams. Ça va arriver dans quelques minutes. Ça plaît à tout le monde, ça, Pharrell Williams, c'est bon? Ouais, bon. Parfait, il y aura Shakira également, la belle avec Rihanna, le duo qui déchire, Can't Remember to Forget You. Et puis bien sûr un son que vous avez découvert dans Party Fun le week-end sur Fun Radio, le nouveau David Guetta, enfin le dernier hein, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on vous le passe, Shut Me Down. Voilà, ça va arriver sur Fun Radio, donc restez bien avec nous. Et puis on va... Ah oui putain, j'ai une grande nouvelle également, ça va plus te parler à toi à la limite, David, parce que t'as 38 ans qu'à Christopher, encore que. Est-ce que t'as vu Retour vers le futur, Christopher? Ouais. Bon d'accord, ok, alors ça te parle, David, aussi j'imagine? Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où il y a Marty McFly qui met ses baskets? Et il met ses baskets, donc il met son pied dans la basket et tout se serre automatiquement. Ouais. Tu fais vachement bien la basket qui serre. T'as vu? Ouais, je sais, mais trop fort. Ah mais j'y ai travaillé toute la journée. Hein. Eh ben j'ai une grande nouvelle pour tous ceux qui ont justement la flemme de faire leur lacet. Il y a Nike qui vient d'annoncer que la chaussure qui se lasse toute seule, eh ben va vivre, va naître. Ah eh ouais. Oh, ça va être beau ça. Ah ouais. Bah c'était dans Retour vers le futur. Hein, donc comme je viens de vous l'expliquer, la folie totale. T'imagines, tu mets ton pied, le truc se ferme tout seul. C'est génial. Mais grave. Moi qui déteste fermer lacet, j'adore. Putain, c'est clair. Et est-ce qu'il y a des inventions comme ça que vous avez vu dans les films et que vous auriez bien voulu voir en vrai? C'est genre le skate, bah dans Retour vers le futur, hein, le skate sans roues, la téléportation, les voitures qui volent du cinquième élément par exemple. Ah moi la téléportation j'aimerais bien. Ouais, la téléportation, la voiture sans chauffeur. C'est-à-dire genre tu mets la destination et elle fait tout seule. Oh non, moi j'aime bien rouler donc ça me fait chier. Moi je déteste ça. La voiture te remercie. Une machine à remonter dans le temps pour mettre une baffe à Toff Petit dans sa gueule comme ça. Ah ouais. Pour faire que ses parents ne se rencontrent pas. De Retour vers le futur, mais à l'inverse. Non, Marie, c'est un connard là. Non, on va pas le voir le mec, c'est un connard. Non. On se marre bien quand même avec Toff. S'il y avait pas Toff. Et comme dans Retour vers le futur, il va commencer à perdre un bras. Parce qu'il y a l'autre qui est dans le futur, dans le passé plutôt, pour essayer de gérer le dossier. Il perd un bras et il perd son nez. Ah non. Le long nez là. Ah non, ça pourrait être bien pour tout le monde. Il y a des centaines et centaines de vannes qui n'auraient pas pu être faites. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Vous emmerderiez si j'étais pas là. Oh, va savoir. On aura peut-être quelqu'un d'autre, hein. Pire peut-être, va savoir. Bon, David est avec nous du coup. Ah bah ouais. On va parler de quoi avec toi, David, juste après le son de Pharrell Williams? Bah écoute, moi c'est pour réaliser le fantasme de ma copine. Ah, tu veux réagir au fantasme de ta copine? Réaliser le fantasme de ma copine. Ah, d'accord, ok. Et en deux mots, le fantasme c'est quoi? Bah en deux mots, elle aimerait prendre son pied avec une nana en ma présence. D'accord, bon on en parle après ça. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit. Sur Fun Radio. It might seem crazy what I'm about to say. Et le son de Pharrell Williams sur Fun Radio, c'était Happy au cœur d'une heure sans pub. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est là exactement, le dimanche également, de 20h à minuit. Continuez à passer le message autour de vous. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et puis demain, on aura un invité exceptionnel, tiens, Jared Leto qui passera nous voir. Enfin, Jared Leto qu'on a été voir à Lille ce week-end et vous savez, comme c'est un pote, bah du coup, il est à Paris, on lui a dit, bah passe voir la famille. Voilà, donc du coup, il passera demain. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à faire le mail maintenant à sandro@funradio.fr. Il y a Romain qui dit, moi ce que j'aimerais bien avoir c'est de la poudre de cheminette. C'est quoi la poudre de cheminette? Ben je sais pas. Je regarde. Robin, c'est quoi de la poudre de cheminette? Et Guillaume qui dit moi ce serait de pouvoir rentrer dans les écrans pour aller voir ce qu'il y a entre les cuisses des jeunes filles. Non, parce que je vous avais demandé s'il y a un truc dans, que vous avez vu dans un film, genre une invention de ouf, que vous aimeriez bien qu'il existe en vrai, genre le skate dans Retour vers le futur, la téléportation, les voitures volantes dans le cinquième élément, etc. etc. Et il y a Manon, oui. La cheminette, c'est la poudre magique de Harry Potter. Ah oui, on est con. Bah oui, ça en mérite une, tiens. Hop là, voilà. Et un coup de pelle accessoirement. Il y a Manon qui dit Mickaël ou le seul animateur radio français qui a vraiment un bon accent anglais, ça fait plaisir. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas français. Mais oui. Il y a peut-être de ça qui joue aussi. Il y a Stéphanie qui dit moi ce que tu es parfait, Mickaël. Oui, bah aussi, exact. Oui, peut-être. Oui. Bon, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Il y a Stéphanie qui dit moi je veux K2000. Ouais, ouais, mais aujourd'hui, K2000, comment dire, c'est une vieille merde. Hein. Avec la technologie en bois qu'il y avait dedans, aujourd'hui, ta voiture, elle est mieux que K2000, hein, sauf qu'elle parle pas. Et c'est peut-être mieux. Il y a Mickaël également qui dit bonsoir, la team de Mickaël, prêt pour une soirée de folie avec vous. Ben, nous, on est prêts. Vive les ch'tis, c'est la petite fée qui a envoyé son message sur le Twitter. Et Romain qui dit merci à vous pour votre émission, car chaque soir, j'explose de rire. Eh ben, j'espère qu'on fera encore mieux ce soir, puisque, il y a David avec nous, là, qui veut réaliser le fantasme de sa copine, c'est-à-dire un petit duo, n'est-ce pas, David? Voilà, c'est ça. Un petit duo, justement, un petit duo avec une meuf que tu connais ou pas? Bah écoute, au départ on était parti sur une meuf que je connaissais. Ouais. Et, fatalité, elle préfère une inconnue. Elle préfère une inconnue. Note, voilà. C'est peut-être mieux pour question jalousie. Ouais, voilà. Je pense que c'est une manière de maîtriser, en fait. Parce que sinon, t'as toujours tendance après... Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais je veux dire, je me mets à la place, t'as toujours tendance après, une fois que c'est fait, à revoir le copain ou la copine, et au final, le revoir en train de se taper ta meuf, quoi, ou ton mec, en l'occurrence. Ouais, mais là, surtout que, vu que moi, je suis un peu... Toi, je suis un peu dans le milieu du libertinage. Ouais. Oh, donc, ben, ça pas, va, t'es un habitué. Ouais, mais elle veut pas, en fait, une personne que je connais, elle veut vraiment que ça soit son fantasme. Non, mais attends, elle était dans le libertinage, ça doit être du récurrent, c'était faire un truc à plusieurs. Bah, pour elle, j'ai réveillé des envies, des pulsions qu'elle avait envie, qu'ils étaient... qu'ils étaient enfouis. Oui, qu'elle cachait au fond d'elle. Complètement. Et puis, donc comme c'est une envie qu'elle a, j'ai envie de réaliser son fantasme. D'accord, et tu nous appelles pourquoi en fait? Parce que si tu as envie de le faire, bah tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? C'est pour voir s'il y avait une auditrice, vu qu'elle avait une inconnue, poussons le jeu. Ah, bien. Faut bien faire ton marché. Bah ouais. Et pourquoi pas faire appel directement sur Fun Radio. Mais tu as tout à fait raison, David. Tu as bien fait. Ne t'inquiète pas, nous allons essayer de trouver quelqu'un. T'inquiète pas. Bon, tu cherches quoi comme fille alors? Et ta copine, elle ressemble à quoi? Donne-nous peut-être quelques informations. Écoute, moi, ma copine a fait 1m76 pour 65 kg. Ouais. Taille 38. Et le tour de poitrine? 90B. Ah oui. Non, c'est un beau modèle. Donc, Tu sais, Toff peut se déguiser en fille, hein. Oui, mais je suis pas sûr de l'effet, par contre. L'effet sera négatif, mais après, il peut le faire. Fantasme, je t'appelle, d'accord? D'accord, écoute, avec plaisir, moi je viens. J'imagine, surtout qu'on a les mensurations de ta copine maintenant, ouais. Bon, et donc, du coup, toi, t'es sur Nice, donc tu cherches quelqu'un dans le coin, forcément. Ou à la limite, quelqu'un d'importe où, mais qui peut descendre un week-end à Nice, quoi. Ouais, donc, voilà. Je pense même que c'est. Le plus simple, qu'il soit dans les environs, quoi. Ouais, mais je pense que c'est mieux quelqu'un qui vient de loin. Ouais, à la limite, ouais, t'es sûr de pas le recroiser, il y aura pas de problème, la meuf va retourner chez elle, il y a pas de malaise, et voilà, je pense que c'est peut-être mieux même encore. C'est un week-end, c'est un one-shot, et on en parle plus. Ouais. En fait, moi je m'en fous, le tout c'est qu'elle réalise son fantasme, toi. Ouais, non, mais d'accord, mais tant qu'à faire, autant éviter les problèmes. Dites-nous d'ailleurs, si vous avez déjà fait réaliser des fantasmes comme ça de votre copain ou de votre copine, genre les plans à plusieurs ou genre un autre fantasme, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a une Yule Piu-Piu sur le Twitter qui dit bonsoir mes chéris, je vous fais un gros bisou sur toi. Il y a un truc entre vous deux, non? Oui, il se passe un truc. Avec Indul Piu Piu. Bah, je sais pas, je la connais pas encore. Non, mais bon, comme t'avais dit qu'elle était plutôt mignonne. Oui, elle est mignonne. Mais bon, elle vient de faire un gros bisou à tout le monde, surtout à Polo, en insistant, tu vois. Elle a un prénom bizarre, elle s'appelle quand même Indy. Ouais, Indy et Indio le Piu Piu, c'est encore pire. Il y a Loulou aussi qui dit vous êtes en fin de retour, vous m'avez manqué la famille. Bah toi aussi Loulou. Et Manu qui dit c'est parti pour une nuit de délire avec vous et Mystique. J'ai vu la dernière vidéo des JO de Sourd de Chie et je n'ai qu'une seule chose. Qu'une seule chose à dire. Toff, le petit cri que tu pousses m'excite énormément. Je le savais. Voilà, la vidéo est à voir bien entendu hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Secret Key qui dit quelle horreur se taper une fille, mon pire cauchemar. Bah oui, après c'est peut-être le kiff vie de certaines, hein, la preuve. Bon, on va faire un top tweetos également ce soir. Je rappelle qu'on offrira des cadeaux ce soir à ceux qui seront bien en termes de tweets ce soir. Donc les auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Celui qui sera ce soir le numéro 2. Ouais, numéro 2 ce soir. Repartira avec les cadeaux, les sextoys offerts par passagedudésir.fr. Voilà. On a changé de sponsor. Ah oui, depuis hier, c'est redevenu passagedudésir.fr. Ah. J'aurai aussi des t-shirts à vous offrir, les Commanders de Rock, ceux que vous avez bien kiffé avec la tête de mort, là, que j'avais il y a deux semaines ou trois semaines. Bah, bref, la photo est sur le Facebook, hein, vous pouvez aller vous inscrire. On fera le jeu tout à l'heure vers minuit. Il faudra s'inscrire sur le Facebook, on vous expliquera comment ça marche, ne vous inquiétez pas. Et puis on va également. Les appels de Toff. Ah, j'allais dire Nice. David. Ouais. T'entends les appels de Toff le soir, là, d'habitude? Quand je suis rentré du taf, ouais. Sinon, ouais. Évidemment, ouais, sinon tu peux pas les entendre, c'est du travail, ce qui tombe sous le sens. Non, en fait, je viens d'apprendre un truc et finalement, tu vas peut-être pouvoir nous répondre puisque t'es dans le milieu du libertinage. Et j'ai du mal à croire à cette information. C'est un site américain de vidéos porno qui dit en fait que ce sont les femmes qui regardent le plus de porno amateurs. C'est un truc de dingue. Donc le site en fait explique que c'est parce que les filles trouvent ça plus réaliste que les films porno de grosses productions. Donc venez nous dire les filles si vous regardez du porno et puis si vous préférez le porno amateur ou les productions genre Dorcel, enfin bref les grosses prods en l'occurrence. Donc Toff, je te propose que tu appelles tes amis hein, pour voir ce qu'ils regardent comme porno. Évidemment, évidemment. Voilà, plutôt amateur ou plutôt des grosses productions. Je vais poser la question. Bah ça me paraît un bon plan, on va faire ça dans quelques minutes. Et toi David, porno ou pas porno? Bah, porno avec ma copine, ça nous arrive, ouais. D'accord. Et on filme également aussi, ça nous arrive. Ah, vous filmez aussi, d'accord, donc ça fait porno amateur en fait. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et il y a Victor. Bah, très bien. Bon, David, reste avec nous. Si vous avez déjà fait des plans plusieurs, bah, on en parle avec David et avec vous, justement, en direct sur Fun Radio. Plan plusieurs ou simplement réaliser le fantasme de votre copain ou de votre copine. Qu'est-ce que c'était? Comment ça s'est passé? On veut tout savoir. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et Victoria, qui est avec nous également de Picardie, qu'on avait eu hier, Victoria. Oui. Alors, Victoria, donc, qu'on t'a eu hier parce que tu t'es fait plaquer par un mec qui s'appelle Albéric, exactement. Ouais. Ah, oui. Chevalier. Le chevalier Albéric. Mesdames et messieurs, le chevalier Albéric. Il s'en vient des croisades. Exactement. Il a mis une ceinture de chasteté à sa bonne amie. Complètement. Il va rien faire du tout. Il hein. va festoyer. Voilà. Et donc, tu nous expliquais hier que Albéric t'avait largué. Il a 16 ans, tu en as 17. Il t'a largué car il n'arrive pas à oublier une fille avec qui il est sorti il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il avait 13 ans. Attends, ouais. Et il n'arrive pas à l'oublier. Voilà, il n'arrive pas à l'oublier. Voilà, donc un vrai drame quand même. Hein. C'est vrai. Bon, et donc du coup, on a essayé de l'appeler en direct. On lui a fait comprendre qu'il avait mal réagi et que, en gros, quand t'as une meuf qui est plus âgée que toi, qui s'intéresse à toi, ben, je vais enlever la musique parce qu'elle me fait chier un peu quand même. Donc je disais. C'est Albéric quand même. Ah bah oui, mais c'est Albéric, d'accord, ouais, mais quand même. Bon, et donc du coup, on l'avait eu au téléphone, ta mère l'aime pas, on a essayé de trouver quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, il voulait venir chez toi, bref. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Victoria? Eh ben, il est revenu vers moi. Non! Et alors? Ce matin, il est venu, enfin, il m'a envoyé des messages et tout, il m'a parlé, il m'a fait « Ouais, je m'excuse et tout, t'avoir fait du mal. Laisse-moi une chance, je te promets, je vais faire des efforts, je vais l'oublier, elle, je vais vivre heureux, je veux que du bonheur avec toi et tout. » Oh, et du coup, t'es ressorti avec lui? Bah ouais. Oh, oh là là là là. Albéric, tête de brique. Oh mon dieu. Mais je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi quand même. Mais j'y suis pour rien, j'ai tout fait pour casser le délire. Bah ouais, mais c'est toi qui l'a fait réagir hein. Oh ouais. Putain, okay. Oh là là, je mérite un coup. Ah ouais, c'est le voilà, c'est nickel ça. Mais si, je mérite un coup, deuxième. Voilà, tiens. Même que Toff me pète à la gueule. C'est vrai, vas-y. Oh putain. Merde, j'ai tout fait pour que ça foire, il est revenu. Oui. C'est un peu Cupidon. Ouais ouais. Mmh. Ouais ouais. Non mais je suis heureux pour toi, ça s'entend ou pas là? Mais non mais c'est nul, le mec il te vire, soi-disant il n'arrive pas à oublier sa copine, il y a 3 ans il avait 13 ans, n'importe quoi. Et aujourd'hui il revient, et aujourd'hui il a oublié sa copine, c'est bon. Bah il va tout faire pour l'oublier. Oh il va tout faire, oh là là, oh là. Et qui sait qui va nous rappeler bientôt là? C'est Victoria. Ah il m'a viré, il m'a largué, je suis triste. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ça hein. Tu m'as remis avec. C'est ce qui va se passer Victoria. Je pleure pas pour les mecs. Ouais, mon. Ça sert à rien. Ouais, je suis sûr que tu vas pleurer, Victoria. Pourquoi j'ai tu nous as appelé hier alors? Un seul mec, d'ailleurs, son ex, enfin sa meuf, elle a eu ce qu'elle méritait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a eu? J'ai défoncé. Oh là là. Je suis pas fière, mais bon, elle a mérité ce qu'elle a eu. Ah bah non, je te confirme, tu dois pas être fière. Non seulement tu l'as récupéré, en plus t'as dû aller. Aucun intérêt, l'ex, elle a rien à voir là-dedans, c'est lui qui est un idiot. Et toi, t'as été tapée la pauvre. Oh là là, Victoria. Victoria. Oui. Tout ce que tu mérites, c'est ça. Encore mais une. Non, non, c'est pas une histoire. C'est une histoire, elle est trop compliquée. Ouais, elle est compliquée, ouais, c'est ça. Encore une. Voilà. Victoria. Oui. Tu m'as déçu. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va se faire le son de Shakira et Rihanna maintenant au cœur du Nord sans pub. Appelez-nous, hein, vous êtes nombreux au standard. C'est Can't Remember to Forget You sur Fun. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, là, 23h28. Il y a du monde hein, au standard, je vous le dis. 01 42 48 5000, continue à nous appeler. Il reste de la place, évidemment, puisqu'on est là jusqu'à 2h. Il y a également le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis il y a Cédric du 5-9 qui dit je suis plié de rire, ça fait longtemps que je t'avais pas écouté. Eh ben Cédric, là, comment ça se fait là? C'est scandaleux. Oh, enfin bon, le principal, c'est que tu sois revenu, Cédric. Et t'as loupé beaucoup de choses. Ah, bah complètement. Il y a Maël qui dit trop fort la vidéo, vivement à l'autre sport. Vous êtes géniaux, eh ben t'inquiète pas, on va en faire une autre tout à l'heure des Jeux Olympiques. Là, il y a la vidéo des Jeux Olympiques de la semaine dernière avec le patinage de vitesse, donc sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Valou qui dit j'arrive en retard et en pleine avalanche de gifles, il s'est passé quoi? Eh ben il s'est passé que Victoria nous avait appelé là pour virer son mec. Finalement, on a tout fait pour qu'elle pour la venger. Aujourd'hui, elle retourne avec. Bon, bref, n'importe quoi. Let's be freaks, il y a Albéric, c'est la prononciation d'Amérique, mais enrhumé, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Netflix. Christelle qui dit, moi je kifferais pouvoir voir dans les pensées, faudrait inventer un truc comme ça. Ouais, mais par contre c'est peut-être pas forcément positif tout le temps. Hein, non. De pouvoir lire dans les pensées de tout le monde. T'imagines, tu saurais ce que tout le monde pense. Oh. Comme dans un film avec Mel Gibson, avec ce que les femmes pensent. Ah oui, le mec cacheton, il devient ouf. Bah, il devient ouf, il se balade et il y a plein de meufs qui pensent, ah, quel con, machin, quel lourd, alors qu'il pensait être un tombeur, un peu comme Toff. Et au final il entend maintenant, enfin dans le film, il entend ce que les femmes pensent réellement de lui. Ouais. Et en fait, il le vit très très mal. C'est donc tendu quand même. Il y a de la merde dans le cerveau de Toff. Hein. Ah ouais, ouais. Stéphanie qui dit aussi, le seul porno que j'ai vu, c'est amateur ou sextape de star. Et Romain qui dit, j'imagine Toff en cupidon avec ses petites flèches. Oh bah dis donc. Et Mika aussi. Mignon. Ah tu parles. Mika, bonsoir Fun. Il y a un nouveau K2000, Night Raider, avec une Ford Mustang GT500. Oui, c'est vrai, Mika, effectivement, bien vu. Et la petite fée aussi, j'aimerais posséder une machine à remonter le temps pour ne pas refaire les mêmes conneries. Ah bah oui, mais bon, ça après. Toff, tu changerais quoi à ta life, toi, si tu pouvais? Si je change. Là, tu peux remonter dans le temps, là. À quel moment tu remontes pour changer quoi? Toff, non. Vie. Je t'en. Non, je pense que non. Ça, est-ce que tu vas m'enculer? Si je devais changer un truc. Vie. Bon, alors pour l'histoire, réfléchis. Pour l'histoire, donc Toff s'est fait larguer par une meuf avec cet album là, de Patrick Bruel. Vite je tombe, c'est une connasse, elle l'a viré, depuis c'est devenu un sale con. Voilà, putain, elle est de plus en plus rapide le résumé. Hein. Ouais, ouais, ouais, de plus vrai. En plus rapide. Hein. Bon, tu changerais quoi si tu pouvais là comme ça? Tu changes. Je pense que je ferais vraiment des études. Pour pas devenir un connard à la radio? Non, je pense que je ferais quand même de la radio, mais je ferais des études avant. Ah ouais? Ouais, histoire juste de m'en mettre plus, tu vois, de pouvoir gagner un peu. Ça veut rien dire, hein. En radio, c'est pas parce que t'as fait des études que tu gagnes plus, hein. Ça dépend. Oui, mais ça dépend où tu veux faire. Ah, tu veux être grand patron en fait. Voilà. Oh, quelle horreur. Le pire boulot dans une radio, c'est d'être patron. Oh, je pourrais pas. C'est une horreur. T'as que des emmerdes. Sous-chef, ça dépend. Non, ni tout en haut, ni le sous-chef, ni le sous-sous-chef. C'est que des emmerdes en fait. Tu dois gérer les conneries des mecs comme nous. Qui font n'importe quoi à l'antenne. Ouais, mais il faut pas faire ça. Ouais, on a rien à foutre. Voilà, non, non. C'est vrai. Oh, quelle horreur. Non, quelle horreur. Sous-chef, ça m'aurait bien plu. Ouais, ouais, bof. C'est quand même un poste ingrat parce qu'en fait, tu fais rien. Ouais, mais c'est ça, pour en ça fait. Que j'aime bien ce poste. Le sous-chef et sous-chef seront ravis. Polo, tu changerais quoi dans ta life si tu pouvais là comme ça? Là maintenant, tu remonterais à quel moment de ta vie? En fait, je remonterais à un moment clé où je. Où t'as rencontré Toff? Non, pour non, directement lui montrer qu'il était le patron, lui mettre une patate dans la gueule. C'est un plaisir d'avoir rencontré Toff, je me marre tous les jours. Ouais. Non, c'est le moment où tu sais, tu te dis, est-ce que j'écoute ces gens-là ou je fais ma vie? Ouais. Et en fait, j'ai écouté des gens et en fait, j'ai fait de la merde. Ah oui, bah, c'est. Et bon, je me suis bien rattrapé. Mais j'ai ne jamais écouté les gens. Oui, ça, c'est con. Mais je changerais 2-3 trucs. Ouais, il vaut mieux pas les écouter. Surtout quand ils font semblant d'être proches de toi, c'est encore pire. C'est les pires. C'est les pires, ouais, les pires enculés. Les gens qui travaillent dans le, tu sais, les ambulanciers, tout ça. Ouais, non, mais je parlais même pas spécialement de ça. Mais voilà, donc il faut faire attention. Et bah, dites tout, tiens, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous deviez changer votre vie? À quel moment vous remonteriez? Et vous changeriez quoi? Si vous avez envie de nous en parler, hein, qu'on rigole un peu. 01 42 48 5000. Parlons maintenant avec Toff. T'as vraiment une voix de tafiole, hein, quand même. Hein. Oui, il faut dire les choses, hein, c'est pas nous qui le disons. Hein. Et donc, on va vérifier ce soir, on va vérifier quoi, là? Oui, les pornos. Oui, si les femmes préfèrent vraiment les pornos amateurs ou pas. Voilà, porno amateur ou porno de haut de gamme, quoi. Voilà, c'est ça, porno de grosse production, quoi. Donc on y va, on appelle grâce au numéro que vous nous avez envoyé depuis 23h sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant le premier ou la première, je ne sais pas, on verra. 23h33, toujours au cœur d'une heure sans pub. Allez, on récupérera David juste après. Hein. Et puis il y a Tino et Kader qui voulaient réagir aussi. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez au courant que votre femme préfère regarder des films porno amateurs. Vous êtes? Je suis Toff, monsieur. Toff, tu me prends pour un con? Mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? Non, monsieur, vous avez regardé l'air, moi? Bah oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Ouais, bah, je vous conseillerais juste d'arrêter de me faire chier. Avant que j'achète les gendarmes et que j'ai vraiment votre numéro, que je sois vraiment, d'accord? Mais je veux pas vous faire chier, monsieur. Moi, je veux juste savoir si votre femme, elle préfère le porno amateur ou pas. Vous êtes qui? Ben, je suis Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Eh, franchement. Oui? Franchement, je vous promets, je vous trouve, je vous démonte. Mais pourquoi vous voulez me démonter, monsieur? Donnez-moi votre vrai nom. Ben, Toff, monsieur. Toff, mais vous me prenez vraiment pour un con, quoi? Mais pas du tout, monsieur. Monsieur. Moi, je m'appelle Toff. Et pourquoi vous appelez en masqué? Bah parce qu'en fait c'est bloqué dans le téléphone, mais si vous voulez je vous donne mon numéro, vous verrez, y a pas de souci. Y'a pas de souci. De toute façon mon numéro je vais l'avoir avec les gendarmes demain. D'accord. Mais vous voulez pas répondre à ma question avant, parce que du coup demain allez ça va. Allez vous faire foutre, surtout à cette heure-là. Mais d'accord. Enfin monsieur, faut pas s'énerver. Vas-y, ferme ta gueule toi. Mais enfin. Mais monsieur, un peu de calme. Un peu de calme. Mais oui. Ferme la gueule. Mais pas du tout, je vous pose une question, monsieur. Mais allez vous faire mettre, bon Dieu. Mais si vous voulez, monsieur, mais répondez à ma question. Ah là, franchement, je te promets, je te chope, je t'arrache ta gueule. Mais, enfin, monsieur... Oh, que des promesses. Bah mais oui, encore que des promesses, et nous, on attend ça, bon, on le rappelle. Allez, hop, c'est parti. J'aimerais bien qu'ils viennent pour t'arracher la gueule, moi. Ah, moi aussi. Ah bah, tu m'étonnes. Allez, hop, on rappelle. Il est bon, hein, merci pour le numéro. Je sais pas qui nous a envoyé son numéro, mais... Allô? Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé. Vous travaillez où? Comment ça? À Paris, monsieur. À Paris? Oui. T'es vraiment ma gueule? Mais non monsieur, enfin pourquoi vous dites que je me fous tout le temps de votre gueule? Je vous pose juste une question simple, monsieur. Je promets, si j'ai vraiment votre identité, oui, j'aurai pas de mal à vous retrouver. Ah non, vous aurez pas de mal, on monsieur. On n'appelle pas à cette heure-là. Bah moi j'appelle toujours à cette heure-là, monsieur, donc vous voulez pas répondre à ma question plutôt que de faire des Jérémia, tout ça? Non. Bah oui, mais ça se fait pas, monsieur. Ça se fait pas. Mais vous foutez de ma gueule, quoi. Mais non, moi je vous appelle, je vous pose une question, et puis vous faites des chichis, des machins, je t'encule, tout ça, mais au lieu de répondre à la question... Si jamais je vous retrouve... Oui. Je vous promets que vous avez passé un sale quart d'heure. D'accord, mais vous voulez pas me répondre maintenant? Va te faire mettre pour la réponse de Jeudin. Ah bah non. Ta femme a préféré pendant un matin, peut-être? Ouais, moi j'ai pas de femme, monsieur, donc je pouvais pas lui demander. Ouais. Mais toi, je te promets, je te fous une raclée. Mais enfin, monsieur, pourquoi autant de violence? Un conseil, ne oui. rappelle pas. Bah, monsieur, je vais être obligé, vous avez pas répondu à la question. Allez, raccrochez. Bah, surtout quand on dit un conseil, ne rappelle pas, c'est qu'est-ce quand même, qu'on fait bah, c'est quand même une invitation à rappeler quand même. Bah oui. Moi, personnellement, ma curiosité m'incite à rappeler. Bah, moi, d'ailleurs, j'ai vraiment envie de le rappeler. Voilà, ah bah, on rappelle. Hop, allez, une dernière fois. C'est encore une fois, c'est pour moi, c'est moi qui régale. C'est moi qui invite. Je suis bon prince, oui je sais. Allez. Allez. Ah bah alors, je croyais qu'on pouvait rappeler, blablabla. Bla bla. Allô? Oui, je m'excuse monsieur, mais c'est vraiment pas gentil de votre part de pas vouloir répondre à ma question. Eh hey, t'es qui sérieux pour me péter les couilles là? Mais je veux pas vous péter les couilles monsieur, je suis Toff. T'es qui putain? Mais je suis Toff monsieur, je vous l'ai déjà dit. Eh hey, franchement arrête, ne m'appelle pas. Bah oui, mais vous répondez pas à ma question, monsieur. Ne m'appelle pas, putain. Bah oui, mais répondez à ma question, alors. Non. Bah pourquoi non, monsieur? J'ai pas envie de répondre, je réponds pas, mon Dieu. Bah oui, mais moi, je vous appelle pour avoir une... Pas les couilles, maintenant. Mais enfin, monsieur, un peu de calme. Je te promets, je t'étripe si je te trouve. Mais enfin, c'est moi, je vous appelle gentiment, monsieur, vous vous énervez pour rien. Mais gentiment, mais tu me prends pour un con, t'as vu l'heure? Bah oui, monsieur, je sais lire l'heure, j'ai une montre, comme tout le monde. Mais... je te promets, je te chope. Je t'ai dit tout à l'heure que tu vas passer un sale quart d'heure. Bah d'accord, mais vous voulez pas juste répondre à ma question, comme ça tout le monde... Non, je ne veux pas répondre à votre question. Bah c'est pas gentil, monsieur. Eh bah, je suis peut-être pas gentil, je m'en fous, mais je ne veux pas répondre à ta question. Bah oui, mais ça se fait pas, monsieur. Quand quelqu'un vous appelle, il vous pose une question, faut lui répondre. Oh putain, il y a un nouveau raccrochement. Oh bon, tant pis, on arrête là. Mais on l'a quand même appelé trois fois, ça a duré quoi? 3 minutes, grosso modo. Ne pas vouloir répondre, hein. C'est-à-dire que ça aurait été gagné, on aurait gagné tellement de temps. Mais oui, il m'aurait dit non. Ah putain, il faut chipoter et toujours chipoter, c'est dingue. Il y a Whiskytoria qui dit Mickaël, l'animateur de la radio le plus cool du monde, je m'en lasserai jamais de t'avoir au téléphone. Eh ben quand tu veux, Whiskytoria, avec grand plaisir. Manu qui dit mort de rire, Toff le casse-couille complètement. Et Maël qui dit trop fort la vidéo, vivement. Un autre sport, vous êtes géniaux, elle va arriver. Je rêve d'une machine qui me masturbe parce que ça devient fatigant. Oui, ah Maël, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Fafa qui dit mort de rire, vous me faites marrer. Où est passé le bon violence flamme? Oh, mais il est là! Il est là, t'inquiète pas, il est là, il est toujours en pleine forme. Mickaël, tu dis cher, c'est Am qui avait envoyé le message et Stéphanini qui dit ne pas écouter les gens. Moi j'écoute Mickaël quand il me dit que Toff est un connard. Eh bah tu l'as pas bien écouté hein, Stéphanie, t'es toujours derrière. Et Adrien qui dit moi je remonterai au moment de ma première fois pour dire salope à mon ex. Bon, retour avec David. Tiens, hey David. Ouais. Tu referais quoi toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais remonter le temps? À quelle partie de ta vie t'irais pour changer quoi? J'irai m'installer au Canada. D'accord, pourquoi faire? Pour le taf, tout simplement. J'avais une bonne opportunité, je l'ai pas saisi et je remonte. Ah putain. Et moi je remonterai le temps, je pense que je remonterai le temps pour revenir à New York où j'avais été un jour et on était en train de se balader avec Polo et on était sur Broadway, voilà exactement, et on partait le lendemain mais en voiture, donc on n'avait pas spécialement d'urgence, on partait le lendemain pour le Canada en caisse, un road trip quoi. Et puis il y a une meuf sur Broadway qui vient me parler, qui non, me dit la vérité, la vérité c'est qu'on faisait trafic d'armes. On ouais. avait... c'est ça. Non en vrai, donc on était en vacances et puis il y a une meuf qui arrive et qui commence à me parler, qui me dit ouais machin, vous êtes d'ici? Bah je dis non on vient pas de là, on est en vacances. Est-ce que ça vous intéresserait de venir? Il y a McDo qui cherchait la nouvelle égérie de McDo. Et donc elle m'a dit, bon je sais pas si je vais prendre comme un compliment ou pas, mais bon, comme vous êtes ni musclé ni gros, bon ok, ça ressemble à, c'est ce que McDo veut ressortir de son restaurant, ce sont que les gens qui mangent McDo sont des gens normaux. Ouais bon d'accord ok. Et en fait il fallait faire un casting et puis bah comme j'étais en vacances, bah du coup je dis non comme un con. Alors que putain, ça se trouve je serais Ronald aujourd'hui. Ouais. Je serais Mickaël McDonald mec. Eh hey, non mais il rigole David là. Eh hey, je serais peut-être Ronald devant tous les trucs là. Je ferais les anniversaires de tout le monde là. Ouais. Allez hop, bon anniversaire ma chérie. Tu sais, j'aurais distribué des petits autocollants, des ballons et tout, et je serais Mickaël McDonald. T'auras la belle vie. Ouais ouais, bah putain, bah je sais pas, mais en tout cas. Toff n'aurait pas de travail. Sur ton banc, là. Mais ouais. Ouais non mais ça aurait été bien avec mes grandes chaussures rouges et tout, ça aurait été cool, peut-être même. Tiens, Sonia qui est avec nous de Marseille là. Salut Sonia. Bonsoir Mickaël. Comment ça va Mars? Ouais, je suis Marseillais. Bon, bah oui, mais c'est bien. Bah, j'imagine bien. Oh, les Sonia. Oh, les Marseilles. Bon, alors Sonia. Non. L'OM, pas trop, ouais, ils sont nuls. Hein. Ah bon, bah, ils très sont bien. Nuls. Moi, je suis resté sur l'équipe de Boli, Papi, voilà. Ah oui, bon, enfin bon, c'est l'équipe actuelle. En fait, on se prend trop la grosse tête à Marseille. Ah bah oui, non, mais ça, après, c'est Marseillais, hein, Sonia. Hein. Ouais, mais je suis content, c'est toi qui l'as dit. Bon, qu'est-ce que tu changeras à ta live, toi, si tu pouvais? À ma live, bon, y en a plusieurs, mais elle qui m'a marqué le plus, c'est que j'avais 15 ans et j'étais en colonie et je suis sortie avec mon animateur quoi, qui avait 10 ans de plus que moi. Ouais. Et le truc, c'est que tout s'est fait en cachette. Mm-hmm. Donc bon, après moi je suis rentrée à Marseille et tout. Le comble, c'est que cette année, je le recroise lors des meetings. Ouais. En ce moment, il y a des municipales. Et clash, ça a fait le truc que voilà quoi, j'ai bloqué. Et il me dit Trappen. J'ai dit, ah ouais, j'ai raté mon opportunité, mais désolé, mais je suis mariée et avec un enfant. Ah, dommage. Ouais. Et donc toi, tu retournerais là-bas? Et voilà, j'aurais dû retourner dans les Pyrénées-Atlantiques à Pau, en colonie où j'étais, et voilà, quoi, ça va marcher. Ah, bah oui, mais écoute. Oh, ouais. Écoute, bon, même mais. C'était mineur, donc. Oui, mais bien sûr. Mais quand même, pas trop de regrets de ta vie par rapport à aujourd'hui. Non. Bon. Entre-temps, il y a eu d'autres personnes, heureusement. Ah, bah, je te confirme, heureusement, effectivement, ouais. Bon, bah, ouais, très bien. Mais merci, Sonia, d'être passée, hein. De rien, je pourrais faire une dédicace. Bah vas-y, profites-en, à une seule personne, choisis la bonne. Oui, j'ai fait une dédicace à ma soeur Samira qui fait ses 30 ans pile, donc j'ai dit joyeux anniversaire et voilà. Ah bah attends, on va lui mettre la musique d'anniversaire. Attends, on lui met la musique d'anniversaire. Ah oui, super. Voilà, comment elle s'appelle? Camira, bah voilà Camira. Ok, je remercie. Bah attends, on va pas couper la chanson. On va pas couper la chanson en plein milieu. Voilà, et ben voilà. Ça va lui faire tout drôle parce qu'elle est vierge encore. Hein. Non. Eh oui. Mais attends, elle attend le mariage. Elle tient ses coutumes, ma sœur. Eh ben, elle a tout à fait raison, c'est bien ce qu'elle y croit, tant mieux qu'elle continue jusqu'au bout. Bien sûr. Gros bisous. Allez, vous embrasse, à bientôt, bisous. Salut, alors que Sonia, c'est une chaude lapine, hein. Oh là. Non, quand même pas. Si. Salut Sonia. Allez, bisous, au revoir. Ciao, il y a le chéri, je peux le faire cocu qui va arriver dans quelques minutes sur Fun, restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Please call again. Mickaël, nos limites. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio, en direct bien sûr dans toute la France, comme tous les soirs. Je vous rappelle que demain matin, il y a Bruno qui va débarquer à partir de 6h du mat sur Fun Radio. Et puis il y a des messages aussi qui arrivent évidemment sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour venir me rejoindre. Il y a toujours la colle de Christopher là, t'es toujours là Christopher? Ouais, fais péter la colle Christopher là, vas-y. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre, qui suis-je? Voilà, donc personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël, suivi de la réponse au 64 900, ou alors sur le Facebook de l'émission, on proposait un bébé, un diamant ou la jalousie? Non. Non, bon bah tant pis, alors c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, facebook.com/mickaël officiel pour aller faire tout simplement donner la réponse sur le Facebook, comme ça c'est gratuit. Et je vous souhaite bonne chance, tirage au sort dans une petite trentaine de minutes. Tu restes avec nous du coup Christopher. Et puis dans quelques minutes également, je vais vous caler le son de Jason Derulo sur Fun Radio. Ce sera Marry Me, écoutez. Ah, ça va être beau. Tout cet amour. Oh, trop d'amour. Mais oui, trop d'amour. Voilà, Jason Derulo avec Marry Me, ça va arriver dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, donc restez bien là, évidemment, comme chaque soir. Il y a Margot qui dit « Oh là mes salauds, je suis à la bourre, un coup de pelle, avec plaisir !» Ah oui, ce qu'il est. Ah voilà. Et puis, il y a un message aussi qui est arrivé, il y a Merci Mickaël qui dit « Comme d'hab, super soirée s'annonce, bisous à toute l'équipe, je vous kiffe de ouf, merci à toi !» Et Rachel qui dit « Juste un message d'admiration à vous, vous déchirez, bisous à toute l'équipe, continuez comme ça, ça gère moi !» Et ben moi également Rachel. Et à la friterie Alba également qui dit « Salut Mickaël et à l'équipe, un petit message de bienvenue pour moi s'il vous plaît, avec plaisir pour le message de bienvenue !» Qu'est-ce que je peux mettre comme message de bienvenue? Attends. Oh, il y a celui-là, ça fait longtemps. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ça faisait longtemps, non? Ou alors il y a celui-là aussi, tiens. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons. Hein. Eh ben voilà, hein, de toute façon, c'est encore le mieux à faire, c'est de ne pas répondre aux cons. Effectivement, je suis plutôt d'accord. On aura le chéri, je peux te faire cocu avec Aurélie dans quelques minutes sur Fun Radio. La réponse à la colle, comme promis. Et puis, avant de récupérer David qui veut réaliser le fantasme de sa copine, Tino et Kader qui voulaient réagir, il y a Jérémy avec nous maintenant. Salut Jérémy. Salut Mika. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, impeccable, hein, en vacances, on travaille pas cette semaine, donc ça peut qu'aller bien. Tranquille. Oui, l'accent du sud, le meilleur. Tranquille. Bon, allez, alors qu'est-ce qui t'amène? Je te moque de l'accent du sud. Ça, mais ça pas du tout, Jérém, pas du tout. Tu sais que j'ai habité à Nîmes en plus, moi. Ouais, 4 jours. Bon, 3 jours, mais... Non, c'est vrai. Tu as vu nous raconter l'histoire. Mickaël, laisse-moi deviner la période. T'es au moins venu 3 jours pendant la feria. Ah non, ah bah figure-toi, pas du tout. Je suis vraiment... J'étais vraiment parti pour habiter à Nîmes. Et puis j'ai fait un boulot, bah, je bossais à Fun Nîmes, il y a... Enfin, quand je dis bosser 3 jours quoi. Et puis en fait, jeune à l'époque. On dirait que t'as fait l'armée, t'es 3 jours. Mais ouais, non, mais j'avais 20 piges, je crois, 19 peut-être. Bon, je sais plus, quelque part par là. Et voilà, ouais, non, j'avais 19 ans, ouais. Et bon, bah voilà, en fait, ça m'a pas plu parce que j'étais là tout seul et tout. Et je suis arrivé dans la mauvaise période et puis je me suis barré. Et t'es reparti à Paris Pas du tout, je suis parti à Bruxelles après. À Bruxelles. Ouais, bah il fait encore plus froid là, mais au moins c'est chez moi, tu vois, après je me sens. Tu me diras, personne n'est parfait, hein. Non, c'est drôle ça. Hop là, voilà. Hein, l'autre il se la ramène là. Bon, Jérém, qu'est-ce qui t'amène, ma gueule? Alors, qu'est-ce qui m'amène, toi? Jessica et on a dit si on a fait la radio. Oula, attends, parce qu'on n'a pas entendu le début là, on n'a pas entendu le début, répète. Je te disais, on est avec des collègues, on fait la soirée ensemble parce que personne ne travaille demain. Ouais. Et on a entendu l'émission, on a commencé avec le fameux docteur et ensuite on a fini avec toi. Ouais, le docteur. Et on se disait, et si on l'appelait, voir s'il avait quelque chose à nous proposer. Un petit défi, ou moi quelque chose qui me ferait bien rire, c'est essayer d'être animateur radio pendant quelques minutes. Ah mais ça me ferait moins rire ça par contre. Ouais. Ah. C'est un métier. Tu vois le coup d'appeler comme t'as fait tout à l'heure là, l'histoire pour le porno et tout, ça peut être bien sympa. Ouais, mais attends, on va essayer de te trouver un défi un peu plus drôle. Ah bah écoute, y'a pas de problème. On va essayer, si vous avez des idées, tiens, de défis à donner, vous êtes combien là, Jérôme? Y'a combien de personnes là, autour de toi? On est 7 en tout. Vous êtes 7 mecs? Non, pas 7 mecs. Ah, je sais pas moi, vous faites comme vous voulez. On a 3 filles quand même, on va pas rester 7 mecs. Ah et quoi, vous faites comme vous voulez, moi, y'a pas de problème. Hein. Si vous avez envie d'être à 7 mecs, vous faites un truc à 7 mecs. Je n'ai aucun souci avec ça. Ouais, ça fera une très belle chenille, moi, je trouve. Bah ouais, non, mais attends, mais pourquoi pas. Bon, donc du coup, si vous avez... On mange pas de ce pain-là. Bon, si vous avez des idées de défis à faire, n'hésitez pas, il est là, ils sont tous là. Y'a combien de filles, combien de garçons, grosso modo? Alors, il y a 3 filles, ouais. Et je te laisse compter, 4 garçons. D'accord, ok, bah tu m'as pas laissé compter, t'as donné la réponse déjà, très bien. Ah, ouais. Bon, alors, allez-y pour les idées de défi, tu restes avec nous du coup, Jérém? Il y a pas de problème, Mickaël. Très bien, problème. Bon, reste là, Jérémy, 25 ans de Nîmes. Des idées de défi, vous les balancez, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel également. Il y a Anthony qui dit dédicace à mes collègues de A2LS, Seb, le message est passé. Stéphanie qui dit j'imagine Mickaël en tenue de Ronald, j'en peux plus. Ouais, mais bon, je serais quand même les rigides de McDonald's, j'aurais pu l'être. Et blindé. Ouais, oh, bah, peut-être. Petit Kiwi qui dit Mickaël, monsieur McDo, elle est bien bonne, celle-là. Mais c'est vrai en plus, c'est vraiment arrivé. Hein. Ariel aussi qui dit Ronald No Limit, ça le fait. Christelle qui dit l'histoire de Mickaël, plié de rire. L'égérie de McDo, Ronald pliant de. Non, mais c'est vrai, il y en a qui me croient pas. Non, je vous jure véridique. Que c'est vraiment arrivé. Mais non, mais je suis témoin, j'étais là. En plus, j'en ai ri pendant une semaine. Ouais, non, bah c'est aussi. J'ai ri. Et Jordan qui dit je remonterai le temps là, juste la veille du jour du tirage de l'Euro-Million, comme ça je connaîtrai déjà le résultat. C'est vrai, je vous posais la question de savoir qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez changer de vie, vous remonteriez jusqu'à quand, par exemple, pour changer quoi? Et puis ça venait aussi de cette en fait ça vient des baskets, tout ça, c'est comme dingue. Oui, de là on part de n'importe quoi. Ouais. Puisque y a Nike qui va sortir des baskets qui s'attachent toutes seules comme dans Retour vers le futur. Et donc je vous ai demandé si dans un film il y a un truc surréaliste dans un film que vous voudriez bien qu'il arrive en vrai, genre par exemple ça, le skateboard qui vole dans Retour vers le futur également, les voitures volantes dans le cinquième élément, la machine à remonter le temps, la téléportation, etc., etc. le ballet d'Harry Potter que Toff pourrait se mettre profondément. Donc, ouais, mais je pourrais me déplacer. Tout serait vachement pratique. Ah mais grave, sur un balai à la place de... Ce serait le balai libre. De l'autolib. Il a déjà le nez de la sorcière. Il a déjà le nez. Voilà. Il manque plus que la verrue dessus et puis on sera bien. Eh bah vous êtes pas mal. Eh bah ça peut être pas mal. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Le chéri, je peux te faire cocu, va arriver. Et il y a David de retour qui veut réaliser le fantasme de sa copine, c'est-à-dire faire un truc avec une autre fille. Et Tino qui est avec nous également de Paris. Salut Tino. Salut Kay, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Bon, bienvenue à toi. Bon, c'est quoi ton vrai prénom? La vanne est drôle. C'est quoi, Tino? Non, j'ai pas envie de le demander. Enfin, j'ai pas envie de le dire parce que ça pourrait apporter des problèmes. Ah non, c'est pour rire. Moi, je pensais que c'était ton vrai prénom. Pardon. Non, c'est pas mon vrai prénom. Vas-y, Tino. En fait, j'ai réagi par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, du fait que pas mal de nanas étaient sur des sites pornographiques. Ouais. Et je le confirme. Donc, je le confirme parce que je suis dans le milieu. Enfin, pas vraiment dans le milieu, mais en fait, je suis réel. Et j'ai pas mal. Réalisateur de films X? Pas spécialement, mais ça m'arrive d'en faire pas mal. Ah, c'est génial. Donc, tu peux pas nous inviter avec Toff? Ouais, on vient. Si tu veux, on peut même, tu vois, on peut tirer les câbles et tout. Hein, ouais, ils feront la maintenance, ils tirent les câbles, ils règlent les micros. Enfin, en même temps, c'est pas vraiment nécessaire un micro. Il va falloir passer à Pigalle prendre des afros alors. Hein. Et c'est assez dur de tenir sur un plateau. Non, on veut pas être acteur, nous, on veut juste voir comme des porcs. Ouais. Mais même voir, c'est dur de se retenir. Ah bon? Parce que moi, au contraire, on m'a toujours dit que assister à des tournages de films de cul, c'était une horreur. Ouais, c'est vrai, à cause des odeurs. Ouais, oh, putain, ça doit être horrible, ouais. Effectivement, j'avoue. Ouais. Ouais. Non, parce qu'on a déjà reçu des actrices porno dans l'émission, hein, et à chaque fois quand elles revenaient, on en a déjà eu quelques-unes qui revenaient à tournage. Je suis désolé, mais elles puaient le cul, quoi. Ah ouais, vieux latex. Oh là là. On va pas dire qu'elles puaient, mais c'est surtout les odeurs de transpiration, et pas de la transpiration de sous les bras, mais plutôt de ce qui vient de la chenèque, en fait. Ah ouais. L'horreur. L'horreur. Pour le phénomène du fait que beaucoup de filles sont sur des sites porno, c'est justement pour se lancer, pour voir comment les amateurs s'y prennent. Donc ça nous arrive, nous, d'avoir dans les bureaux que des nanas se présentent en groupe ou toutes seules pour nous dire, voilà, j'ai vu pas mal de vidéos porno, je me sens prête, comment on fait? Donc après bon, ça se passe pas comme elle, elle le pense. Ouais. Il y a quand même pas mal de sécurité que nous on prend. Déjà le fait qu'elle est pas qu'elle soit pas positive au VIH pour commencer. Donc, ouais, forcément, ouais. Donc parce que sinon bon après c'est quand même un danger pour l'acteur et pour l'ensemble de la société. Deuxièmement, il y a aussi la contrainte que à force de enfin il y a des choses qu'elle pourrait faire et par la suite tu pourrais répercuter sur ben, sur son avenir. Par exemple, on a déjà eu le cas d'une fille qui s'est lancée, elle a eu deux séances et puis à la fin elle s'est sentie violée. Donc voilà, elle s'est sentie violée parce que ça. Bah oui, mais c'est normal, c'est un film de boule, tout le monde va la voir, c'est normal qu'elle se sente comme ça. Donc et puis à la fin, bon bah ça s'est tourné dans le sens où voilà, j'aimerais qu'on masque mon visage, qu'on foute mon visage parce que je ne veux vraiment pas, ben, du coup on annule tout le truc quoi. Donc c'est un tournage qui ne sert à rien. D'accord, ouais, forcément, après tu perds tout. Ouais. Tiens, il y a Romain qui dit Nino Company Porn. Ouais, moi j'aime bien. Oui, pourquoi pas, c'est une idée. Il y a Sophie aussi qui dit un défi sympa, aller dans la cage d'escalier où la rue est criée au feu. Bon, il y a pas bravo, tiens, comme ça tout le monde va sortir, ça va être bien. Bon, et donc, du coup, pour en revenir au plan à plusieurs, parce que c'était aussi à part pour ça que tu voulais réagir ou pas, Tino. Oh. Plusieurs, non pas spécialement, mais surtout pour le fait d'avertir que les nanas qui veulent se lancer, de ne pas penser à l'argent facile dans ce métier, et surtout de penser à... Et de penser à l'argent sale. Ouais, voilà. Merci. c'est de l'argent qui pue. Donc, c'est de l'argent liquide. C'est de l'argent liquide, ouais. non, c'était nul. Attends, je voulais mettre des... Voilà. Quand même, pour soutenir la vanne de Toff. Merci. Bah, il fallait, ouais. Et donc, du coup, ne pas penser forcément à l'oseille, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que c'est de l'argent très facile. Donc, ça peut passer de 1005 à 3000 la passe. Donc, pour une séance de 1 heure. Ah, tu t'appelles ça une passe, toi. Ah, ouais, c'est ouais. De la prostitution. Ouais, parce qu'une passe, c'est pute, hein. C'est un tournage, quoi. Une heure de tournage. Quand je dis la passe, c'est 1 heure de tournage. Parce que souvent, ceux qui viennent nous voir, c'est des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer. D'accord. Et du coup, elles veulent de l'argent facile et rapidement. Donc, D'accord. Le problème pour eux, c'est que quand elles vendent 3000 balles la passe ou 1500 balles la passe, c'est que nous, on se sert de l'image pendant 10 ans derrière. Ouais, non, c'est clair. Nous, on décide le jour où elle est peut-être, je sais pas, elle peut devenir actrice ou quelqu'un de très connu ou quoi que ce soit, peu importe. Nous, on peut se servir de cette image à n'importe quel moment. Donc, il y a aussi à ça qu'il faut penser. C'est pas ouais, faut pas signer, faut pas signer n'importe quoi, en gros. Exactement. Voilà, faut bien regarder les contrats. Eh ben, merci, Tino. Hein. Et puis voilà, pas de soucis. Puis, avec plaisir. Voilà. Eh ben tu reviens quand tu veux, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de courage, on se porte bien, t'inquiète. Salut Tino, à bientôt. Ciao. Il y aura Kader aussi dans quelques minutes, il y aura... Oh putain, en parlant de Kader, ça n'a rien à voir. Kader ? Ouais. Tu m'as fait penser à Kinder. Et du coup, faut que je vous mette... Non, mais... Kinder, c'est les trucs... Mais Kader et Kinder, ça m'a fait penser... Non mais, on m'a envoyé une photo tout à l'heure, je vais vous la mettre sur le Facebook maintenant, elle est... C'est nul, mais qu'est-ce que ça va faire rire ? Mais c'est con, hein. Attends, je préviens, j'annonce, c'est à chier... Mais ça m'a fait marrer. Donc je vais vous la mettre sur le Facebook dans quelques secondes. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Hein, facebook.com/mikelofficie. Vous mettez ça dans quelques secondes. Bon, bah Kader, tu voulais réagir à David, toi, par rapport au fantasme ? Ouais, voilà, bon. C'est ça. Bah, par rapport au fantasme, les plans plusieurs et tout. Eh ben, Kader, reste avec nous, on va en parler. Il y a toujours le défi de Jérém. Il y a Samia également qui voulait réagir par rapport au film X. La colle et la réponse de la colle de Christopher. Ce sera juste après. Le chéri, je peux te faire cocu. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, continue à balancer tous vos messages. Il est minuit sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. C'est la nuit sans pub. Il n'y a pas de pub jusqu'à la fin de l'émission. Et on écoute le son de Jason Derulo maintenant, c'est Marry Me. 105 is the number that comes to my head. Plan the door. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. MIKL de 23h à 2h sur Fun Radio. Et ouais, en direct sur Fun Radio. Allez hop, c'est parti. Plein de messages qui arrivent encore, etc. On va les lire. Il y a PH qui dit: je suis tombé par hasard sur l'émission et franchement je me marre bien. Je crois que vous allez devenir mon passe-temps de soirée quotidien. Continuez comme ça, c'est cool. Merci PH. Et comme évidemment chaque nouvel auditeur, il lui faut un petit message de bienvenue. Merde, il me fait de la merde. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait la passe. Voilà, ça, ça fait le malin, ça fait le malin. Et puis voilà, ça c'est tout ce que je mérite. C'est nique ta race. Voilà, bon, c'est pas celui que je voulais mettre, mais faudra faire avec. Y a Mikam Lasgaki qui dit: moi je serais bien revenu la veille de la conception de ma prof de français, histoire qu'elle ne vienne pas au monde. Et Indio le Pupio qui dit: moi je remonterai le temps pour aller au concert de 30 Seconds to Mars avec vous, j'ai décliné la vite et je regrette. Ah bah oui, Indio le Pupio, qu'est-ce que tu veux dire, c'est comme ça Jared Leto d'ailleurs qui sera avec nous demain soir à Let's Be Freaks qui dit: j'aimerais être comme le mec du film Jumper, pouvoir jumper partout dans le monde. Et alors Anthony qui dit: moi je voudrais la même voiture dans Taxi 2 avec les ailes. Ouais, enfin la vieille Peugeot 407, maintenant je pense qu'elle est un peu périmée là, non? Enfin elle était déjà un peu périmée à l'époque. Elle était déjà un peu périmée, mais elle vole. Oui, c'est vrai. C'est vrai, sinon ouais, oui. Enfin, il y avait dans Fantomas, dans Fantomas, il y avait la DS qui volait aussi, c'est vrai. Fantomas. Mais là, c'est encore pire. Référence. Là, c'est encore pire. Bon, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Aurélie dans quelques minutes sur Fun Radio. Mais avant ça, il fallait que je vous parle de ce qui s'est passé à la télé, car oui, vous savez, tous les soirs, on aime bien regarder les plus grosses conneries qui ont eu lieu à la télé. Et là, c'est dans Zone Interdite, on a un mec qui communique sa joie de vivre avec sa mère et sa sœur, c'est beau. Pas normal que je vive encore dans un appartement de merde avec une connasse comme toi. Ah bah super. Putain. Désormais, même devant des tiers, Julien ne se maîtrise plus. Je me plie à vos petites exigences de merde là, et puis bah je me fais en plus engueuler. T'aimes pas quand on te rappelle que c'est ta mère qui s'occupe encore de... Qu'est-ce que ça peut me foutre? J'en ai rien à péter de vos gueules là, vous dégagez toutes les deux et puis ça serait pareil pour moi. Oh l'amour. Oh là là. C'est beau, toute cette tendresse familiale. Ah, moi je suis ému. Ah oui. Par toute cette tendresse. Et toujours dans Zone Interdite, j'ai la femme la plus fidèle du monde. Ouais, j'en reçois souvent. C'est beaucoup de distractions. C'est de qui? A sex friend. C'est-à-dire? Une relation extra-conjugale. Envie de sauvagement avec tes jambes bien écartées pour m'accueillir. Voilà, ça c'est des messages que j'aime. Ah ouais, bah si elle aime ça, alors t'as son numéro ou pas? Non, mais j'aimerais bien. Ah bah tu m'étonnes. Et puis dans le magazine de la santé, Michel Simès nous apprend des expressions pour parler masturbation. Il y a des centaines d'expressions pour en parler. Benoît, je vais vous en donner quelques-unes. S'épiler le menhir, se pignoler la gaufrette. Il y a des expressions, non mais des expressions étonnantes. Dessouder le chalumeau. Et enfin, faire revenir la gousse à l'huile de coude. Bien. Tiens, est-ce que vous en connaissez, vous? Je vais vous mettre le post sur le Facebook et le Twitter. Est-ce que vous connaissez des expressions pour dire je me masturbe? Moi il y a dégorger le poireau. Dégorger le poireau. J'allais dire celle-là aussi. Se taper une queue, c'est ça? Ouais, ouais. Se taper une queue. Ouais. Faire pleurer le colosse. Ah non, faire pleurer le pisse. C'est pareil. Non, si, faire pleurer, je pense aussi. Ouais. Ouais. Bon, si vous avez des idées de nouvelles expressions pour dire qu'on se branle, eh ben, n'hésitez pas à hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission et facebook.com/Mickaël officiel. Je vous mets le post immédiatement, le temps de se faire évidemment le chéri, je peux te faire cocu, avec Aurélie qui est avec nous là. Salut Aurélie. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. T'appelles pour le chéri, je peux te faire cocu, Aurélie? Ouais. Bon, Aurélie, alors, comment s'appelle ton mec? Yvan. D'accord, alors attends, je note. Mais il a quel âge? 40 ans? Je sais pas, quel âge il a? Non, 21. 21, t'es avec lui depuis combien de temps? 3 ans. D'accord. Et Yvan quoi? C'est drôle ça. Yvan pas, il répare. Non mais bon, alors si on vous cherchez bon, là, on a été bon, en termes de vanne. Quel talent. Ah bah tiens. Bon, alors avant de l'appeler, juste, est-ce qu'il a des défauts physiques? Ouais, il a perdu ses tablettes en fait. Ses tablettes de quoi? De chocolat? Non, son ventre. Ah ouais, tablette de chocolat. Ouais. D'accord, bah très bien. Donc évidemment, moi je serais hyper, ce qui est vrai d'ailleurs, bah, hyper musclé, tablette de chocolat. Bon bref, la totale. Tu es tellement beau gosse, Mickaël. Ouais. Bon, bah elles sont dans mon frigo pour le coup. Et très bien. Bah écoute, tout est noté. Alors, on est censé s'être rencontrés où? Chez une copine, Friska. D'accord. À une soirée. D'accord. Ok, très bien. Bon, et bah écoute, on l'appelle. Plus il s'énerve, plus t'as de chances de repartir avec les cadeaux, bien évidemment. D'accord. D'accord. On y va, je te souhaite bonne chance, c'est parti, on l'appelle Yvan maintenant. Allô? Oui. Oui. C'est moi, qui? Ça va? Ça va, c'est toi? C'est qui? Ça fait 3 ans que c'est ensemble, c'est qui? En fait, je faut que tu viennes. Pourquoi t'appelles en masqué? Mais dire quoi? Allô? Ben oui. En fait, j'étais chez Priska hier, je te l'ai dit. Et il a l'air vénère. En fait, j'ai rencontré un gars. Je crois qu'il le dérange là. Et là, en fait, il est à la maison. Et en fait, je voulais savoir si c'est possible qu'il y avait quelqu'un. Hein? Où la maison? Bah, chez moi. Ah, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui. Qui? Tu lui as déjà dit OK ou pas? Ben non, pas encore. Bon, bah, très bien, bah, demande-lui alors qu'on y passe pas la nuit là. Si, en fait, tu pouvais te faire cocu. Ça va pas, ma pauvre. Non mais dis-lui, c'est juste un soir, hein, c'est pas une histoire. Voilà, hein. Vas-y, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tu crois que je vais te laisser coucher avec un mec que tu connais pas? Mais ça va pas, non? Ah mais on se connaît, hein, on s'est rencontrés là déjà. Mais c'est qui? Il habite où? Il habite à Carcassonne. C'est qui? Allô? Oui. C'est qui? Et toi, t'es qui? Moi, je m'appelle Michel. Et moi, je m'appelle Jacqueline. Ah bah génial, Jacqueline. Bon alors, quel est le problème? Je comprends pas. Quel problème? Attends, tu veux coucher avec ma meuf? Mais t'es mais où? Non, mais parce qu'on s'est rencontrés là, on s'est rencontrés chez Triska et mais moi je savais pas qu'elle est. Bah, je savais pas... ailleurs, bah non, mais ça n'a rien à voir. Attends, moi il y a pas marqué sur sa tête qu'elle est pas disponible. Hein. Moi je discute avec elle, on s'entend bien et puis après bon bah voilà, de fil en aiguille, j'aimerais bien lui mettre mon aiguille quoi. T'es fou mon pote, mais tu vas mourir mon gars. Déjà, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as qu'on t'appelle? Attends, mais ça s'appelle pas, ça se demande pas. C'est vrai, fou, alors ça on est bien d'accord. Non mais ça on est bien d'accord, c'est vrai que je lui avais dit, ça ne sert à rien de lui demander, de toute façon il ne le saura jamais. Elle a fait mais si, je veux lui demander son avis. Bon bah voilà, au final... Mais bien sûr, je le saurai. C'est fou quoi. Mais tu sauras rien du tout. Tu crois qu'elle veut coucher avec toi ou quoi? Attends, ça fait 3 ans qu'on est ensemble nous. Bah justement, peut-être que t'es chiant au lit, c'est peut-être pour ça qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, vas-y, fous-toi ma gueule, ouais. Mais je me fous pas de ta gueule, je t'explique que t'es en train de t'énerver contre personne, là. Pas. Mais moi, je m'inquiète pas, t'inquiète pas, justement, hein. Moi, je m'inquiète pas, et moi, je vais lui mettre une petite cartouche ce soir, et puis... Je vais lui mettre une petite cartouche ce soir, et puis ça ira bien. Ouais, dis donc, ça te dérange pas de parler pendant que je parle, impoli? Ah ouais, c'est toi qui es impoli, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, écoute, je te la repasse, comme ça, tu lui dis au revoir, et puis tu la reverras demain. Bah, rien du tout, rien. Bah, tu verras, ouais, tu verras. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je m'énerve? Tu veux que je te mette une. Parle-moi autrement. Déjà, tu vas commencer par t'excuser là, t'as compris? Hein? Tu m'excuses de quoi? T'as excusé toi? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Déjà, tu vas t'excuser maintenant. Tu vas t'excuser sinon je viens chez toi et je brûle ta maison. Ouais, vas-y, brûle ma maison, tu fracasses, mon gars. Bah, tu fracasses de quoi? Moi, je vais te péter un coup, tu vas voir. C'est ça, il est con lui. Ouais. Moi, toi t'es idiot. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as une répartie, c'est incroyable. Hein. Ta répartie est aussi belle que tes tablettes de chocolat. Hein. Vraiment, t'es vraiment malin. Mon ouais, gars, ouais, bah ouais, je suis malin. Ouais, ouais, justement, je suis malin. T'as quel âge, 10 ans ou quoi? Non, t'es quel âge tu me donnes? Ah, du tout, 0. Et toi, t'as quel âge? Ah, 0, ok. Oh putain, super. Oh waouh. Je viens d'en prendre une belle dans la gueule là. Effectivement. Waouh, t'es musclé. Waouh. Bien sûr. Dis donc, et à ta voix, t'as quel âge toi? 15? Ouais, 15. 15-16? 15-16? Ouais. 15 et alors, même à 15-16, je te fracasse. Oh là là, que des paroles. Eh ben viens, Ah bah ouais, dis-moi où t'habites. Eh ben viens, moi je suis à Carcassonne, bah je t'attends là. Ouais. Eh ben je t'attends. Eh ben viens, viens ce soir comme ça. Eh pendant que t'arrives, je mets une petite cartouche à Aurélie là, et puis après on parlera entre hommes. Hein, bah je vais te donner mon adresse si tu veux là, hein. Non, t'inquiète pas, je te retrouverai. Ah, tu veux pas mon adresse, donc c'est ça, tu vas me retrouver mais tu veux pas mon adresse. Voilà, une grande gueule, hein. Une grande gueule. Ouais. Une grande gueule. Tu veux pas l'adresse? Vas-y, passe-moi Aurélie, tais-toi un peu. Tu veux pas l'adresse, t'as peur, c'est ça? Hein, t'as peur? Vas-y, passe-moi Aurélie, j'ai peur de toi. Hein, t'as peur? Hein, t'as peur? Eh, t'as peur? Putain. Hein, t'as peur? T'as peur? Vas-y, tais-toi. T'as peur? Tais-toi, mon gars. T'as peur? Ouais, t'es relou. Hein, t'as peur? T'as peur. Bon, excuse-toi et on n'en parle plus. Alors, j'arrête. Non, je m'excuserai pas, t'es fou. Excuse-toi, je te dis. T'es un grand malade, mon gars. Excuse-toi! Passe-moi Aurélie, tais-toi. Excuse-toi. Mais excuse-moi de quoi? Mais t'es un grand malade, mon pote. Tu dis je m'appelle Yvan et je m'excuse. Tu veux pas que je dise Hollande aussi, non? J'en ai rien à foutre, tu dis je m'appelle Yvan et je m'excuse. Non, je dirais pas, t'as qu'à t'excuser toi là. M'excuser de quoi? Moi j'y suis pas rien, c'est toi qui arrives, tu m'insultes. Moi je t'ai pas insulté au début, hein. Attends, tu m'appelles pour dire rien, je peux baiser ta meuf, mais de quel droit tu fais ça? Non, mais... Bah, parce que je m'appelle Michel et que j'ai tous les droits, point. Je m'en fous que tu t'appelles Michel, que t'as tous les droits. Exactement, ouais. Bon, tu t'excuses ou merde? Non, je m'excuserai pas, c'est toi, t'as excusé, à genoux en plus. Oh là là, eh ben t'inquiète pas, moi je vais pas mettre à genoux, mais Aurélie, ouais, tu vas voir, mais c'est pas pour s'excuser en revanche, hein. Ça va être pour autre chose, toi, tu vas voir. Dis-moi. Dis-moi, juste, je peux te poser une petite question? Vas-y. Ça te fait le plaisir. Sexuellement, elle aime quoi? Ma bite, pas la tienne. Ouais, mais justement, je pense qu'elle voudrait un petit peu changer. C'est comme quand tu bouffes toujours la même chose, à un moment, même si t'aimes bien, il y a un moment, t'as envie de changer, quoi, tu vois. Alors, que ça te... Non, mais c'est pour savoir, parce que moi, j'aime bien pas se passer par par l'arrière, tu vois ce que je veux dire. Par l'arrière c'est mort, même pas mon pote. Ah, par l'arrière c'est mort. Non mais merci beaucoup. Non, mais merci de l'avoir dit, tu vois, c'est comme ça, je lui demande pas quoi. Non mais comme ça, je lui demande pas. Mais sinon elle suce bien ou pas? Vas-y, mais passe-moi là. Elle suce bien ou pas? Elle suce comment? Elle suce comment? Quoi, elle suce comment? Mais passe-moi là toi. Mais elle suce bien ou pas? T'es roulou là. Non mais elle suce bien ou pas? En film de porno là, branle-toi, je sais pas moi. Bah non mais je vais me branler, mais je vais me finir sur elle, t'inquiète pas, pas de problème. Ouais ouais, c'est ça, tu vas même pas en rêve, mon pote. Ah bah non, tu verras. Bah comme tu es pas mon adresse, je vais pas venir me voir parce que t'as pas de couilles. Non mais t'es chez elle apparemment. Oui. Attends, j'avais appelé mon frère, tu vois. Oh, il a besoin de venir avec des amis. Oh, il vient avec eux, avec son armée, il a peur de venir tout seul. Mon armée, tu vas voir, mon armée. Je vais appeler mon frère. Hein, qui c'est ta fiole? Ah, petit tapet, toi. Hein, je vais appeler mon frère, j'ai peur de venir tout seul. Tu m'appelles pour... Mais passe-moi au lit, hein. J'ose pas venir tout seul. Hein, ma chérie, qu'est-ce qui va pas? Putain, mais sérieux, on dirait un gamin. Passe-moi au lit, là. C'est l'horreur. Putain, mais sérieux, c'est quoi ce délire? Eh, tu fais ça souvent, venir avec ton frère, comme ça, quand t'as des problèmes? Non. Ah, c'est juste pour moi? Ah ouais, là, il vient tout seul. Bon, Aurélie, il change souvent d'avis. Hein. Visiblement, en tout cas. Hein. Et puis, elle rigole. Et ouais, elle rigole. Bon. Elle rigole, elle va vraiment rigoler, toi. J'ai un vrai chien, toi. C'est quoi ce truc, là? Tu m'appelles pour me... On est, tout, on est nombreux là. Ouais, alors, je m'en fous, t'es nombreux. Ça. Ah, mais c'est quoi ça? Nombreux, toi là. Eh, regarde, on t'applaudit et tout, on est bon ou pas? Allez. Putain, c'est une applaudie. C'est quoi ça? Sérieux. Pas que Marie là, au lieu de ma gueule là. Mais vraiment, t'es con ou quoi, où tu le fais soin? Allô? Oui. Oui. Bon, tu t'excuses ou pas? Non, je m'excuse pas, mais t'es où? T'es où quoi? Pas que Marie. Putain de merde. C'est quoi ce mec là? Bon alors tu t'excuses ou pas? Et puis passe-moi Aurélie, je vais lui parler là. Non excuse-moi, c'est parce qu'elle était en train de me sucer là. Ah t'es en train de me sucer, mais c'est ça, voilà. Elle est en train de me sucer. Tiens, je te la repasse. Aurélie. Ah ouais. Oui. Bon tu peux lui dire. C'est quoi cette merde là? Mon cœur. Pas mon cœur. Okay. Il m'appelle même pas mon cœur, ma pauvre. Ah, tu veux pas faire ça, toi, et tu m'appelles mon cœur, mais ça va pas, non? On est sur Sun. Quoi? Mon cœur, on est sur Sun Radio. Quoi? On est sur Sun Radio. Mais oui, t'as la radio. Oh, putain, bande d'enculée. Putain. C'est quoi cette merde, là? Bon, c'est Mickaël de Limite, Yvan, tout va bien, elle a rien fait là. Bon, on aurait, c'est pas qu'on aurait pas voulu, hein, mais bon, malheureusement, elle est un petit peu ça, loin. Même pas grave. Mais en revanche, les tablettes de chocolat, il va falloir faire solidifier tout ça là. Hein. Bah ouais, ça arrive à tout le monde de perdre du gagner du poids, qu'est-ce que tu veux faire? Non, moi je suis toujours svelte. Ouais. Toujours nickel, le corps bien taillé. Mais il est taillé mon quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ouais, mais il est taillé comme... Il est taillé comme du Nutella. Ouais, non, c'est pas ça, non. Non. Bon, c'est allez, ça. Yvan et Aurélie. Bon, c'était le chéri, je peux te faire cocu comme t'as pu le remarquer. Y a pas de problème, tout va bien se passer, tout est bien, qui finit bien. Bon, ça va, t'es plus vénère? Non, c'est pas grave. Non, je te calme et tout. Je vais appeler mon frère, tu vas voir, je vais appeler mon frère. Bon, allez, salut tous les deux. Vous revenez quand vous voulez, Aurélie, Yvan, à bientôt. Ouais. Pascal. Allez, et si vous voulez faire un autre chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas à nous appeler, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 comme chaque soir évidemment. On a des cadeaux à vous offrir, hein, notamment les haut-parleurs Bluetooth qu'on vous offre toute la semaine avec la maison du gsm.com. Si vous voulez les choper, haut-parleurs Bluetooth, ils sont minuscules, c'est vrai, mais putain ce que le son est bon. Pour l'avoir testé, parce que j'en ai reçu un, j'y croyais pas trop au début, et force est de constater que le son est plutôt pas mal. Donc si vous voulez en gagner, eh bien par exemple vous appelez maintenant pour faire un petit chéri, je peux te faire cocu la semaine prochaine. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Drogon qui dit: elle suce comment? Elle suce bien ou pas? Elle suce bien ou pas? Mort de rire, tu m'as tué, Mickaël, le roi du chéri, je peux te faire cocu. Mais merci Drogon. Benji Spears qui dit: oh putain les rires qui me font marrer. Mais oui. Mais oui. Et Security qui dit: quand Michel fait le perroquet, c'est le mec le plus relou du monde. Et la petite fée qui dit: un frigo, ce mec il se vénère pas beaucoup, pas top le chéri, je peux te faire cocu. Par contre Michel bien vénère. Bah il a fallu le chauffer, hein, c'est surtout ça. Et une fois qu'il a été chauffé, ça s'est hyper bien passé, comme vous avez pu le remarquer. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Hé hey Christopher. Ouais. C'est toi qui avais demandé le son d'Avicii? Bah ouais. Eh bah voilà, hey brother, on va te le mettre maintenant. T'es content au moins? Bah ouais. Bon, allez, c'est parti sur Fun Radio, c'est Mickaël Delimite, bienvenue. Hey brother. The number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Direct sur Fun Radio, en direct comme tous les soirs, on est là, évidemment, de 23h à 2h. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Il y aura Jared Leto avec nous demain soir à partir de 23h. Et il y a Mélissa qui dit: c'est... Ah oui, oui, bah oui, parce que j'étais parti sur le truc là. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous connaissez un... On a vu l'extrait de notre ami Michel Simès qui nous expliquait les différentes manières de parler de masturbation. Il y a des centaines d'expressions pour en parler, Benoît, je vais vous en donner quelques-unes. S'épiler le menhir, se pignoler la gaufrette, il y a des expressions, non mais des expressions étonnantes, dessouder le chalumeau, et enfin faire revenir la gousse à l'huile de coude. Bien, Michel. Voilà, tout ça pour dire se branler, donc, hein, et on vous avait demandé sur le Facebook, et on vous le demande encore, Facebook et Twitter, donc, avec le hashtag et Mickaël, comment est-ce que, quels sont les noms que vous avez, les expressions? Alors, il y en a plein, vous avez de l'imagination, il y a Mélissa qui dit: serrer la main au père de mes enfants. Enfin, pensons à Gilou, évidemment. Frédéric qui dit faire monter les blancs en neige. Dégourdir l'unijambiste pour Steph. Il y a Gwen Vael qui dit trop énorme ton émission. Merci Gwen. Me dégoupiller la bombinette. Me raboter le gourdin. Je vais faire pleurer le cyclope. Faire revenir la gousse à l'huile de coude. Bon, on en parle avec Michel Simès. Border l'insomniaque. Ça, c'est bon, ça. Border l'insomniaque. Elle est pas mal. Zapper sur Manuel. Il y avait quoi aussi comme message? Se peler le jonc. C'est Florian. Il y a dit Jérôme, ceci sur le Twitter, qui dit comme expression pour me branler, je dis se limer le pingouin. Se laisser se graisser le calibre. Se limer le barreau de la chaise. Se faire un 5 contre 1 pour dire qu'on se branle. C'est Aigle 66. Et Marie qui dit: que seraient les nuits sans Mickaël? De la merde. Un message de bienvenue? Bah écoute, avec plaisir, Marie, tiens, tu l'as bien mérité. Ce petit message de bienvenue que je vais te mettre directement et. Oh, je vais te mettre un long, tiens. Ça te plaît, cochon petit, enculé. Écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Voilà, tout ça n'est pas remonté, hein. C'est le mec a balancé tout ça d'une tresse, évidemment. Il y a Fabrice qui dit lubrifier la flûte. Il y a Eric qui dit: j'adore, je vais faire mon resto aux chandelles, un petit verre et je vous écoute tous les jours. Terrible. Bah santé, Eric, hein. Et puis dis-nous où c'est ton resto là, on passera peut-être. Florian qui dit: moi ce serait de la téléportation si je pouvais choisir un truc de ouf qu'il y a dans les films. Et je vous ai également mis sur le Facebook de l'émission. Est-ce que t'as Facebook, David, ou pas? Ouais. Est-ce que t'as été voir ce que j'ai mis comme photo? J'avais dit qu'elle était ridicule là, en pensant à Kader. Non, je suis pas connecté encore. Ah merde, et Kader, t'as été voir toi ou pas? Non, j'ai pas encore été voir, mais c'est pas bien ce que tu fais, hein. Non mais c'est parce qu'en fait j'ai vu la photo et quand je t'ai eu au téléphone, j'ai Kader, j'ai dit putain, bah oui, il y a eu un truc avec le Kinder. Donc allez voir, j'ai annoncé que c'était nul, que la photo était nulle, mais putain ça m'avait fait marrer. Et je vous l'ai mise. Alors il y a Eric qui dit: le pire c'est qu'on rigole quand même par réflexe, même si c'est pas drôle. C'est tellement nul que ça m'a fait rire pour Marina. Qu'est-ce qui est aussi plus con? plus c'est con, plus ça me fait rire. C'est Ophélie qui avait envoyé son message. Et Virginie qui dit mort de rire. Et j'ai pas compris tout de suite. Oh putain. Ah oui, là c'est. Ah mais là, là c'est si chaud, vous avez pas même. Compris tout de suite. Bon, pour ceux qui ont pas Facebook, alors pour ceux qui l'ont, allez voir parce que ça vaut quand même le détour, hein, ne fût-ce que par curiosité pour pas courir, pour pas dormir con. Mais en gros, si vous voulez, donc il y a une prise de courant qui est sur un mur. Hein. Jusque là rien d'exceptionnel, une prise de courant, voilà. Ouais. Hein. Et puis il y a un Kinder Surprise qui est au-dessus. Donc ça c'est le Kinder Surprise. Et puis après ils ont mis une autre photo où il y a le Kinder Surprise qui est en dessous. Et là ça devient Kinder Surprise. Attendez. Voilà. Voilà. Voilà. Non, mais il fallait que je me sentais un peu seul là. Non, c'est drôle, en c'est enculé, drôle. Ouais. Donc allez voir, vous ferez votre avis vous-même. Voilà, facebook.com/amicalofficiel et sur le Twitter de l'émission également, venez me rejoindre avec le hashtag amical. Et puis si vous n'êtes pas encore, si vous me suivez pas encore sur le Twitter, je compte sur vous pour le faire. Hein. Vous mettez le @mikl_, c'est le petit tiret en bas officiel. Ajoutez-moi et je vous ajouterai également avec plaisir. Bon, Kader. Ouais. T'appelles de Lille, toi, et tu voulais réagir à David. David qui nous avait appelé parce qu'il voulait réaliser le fantasme de sa copine, c'est-à-dire c'est un ça. Duo lesbien. Alors, Kader, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais ajouter à ça, toi? Alors, moi, c'est pas du tout ça, en fait. Ah bon? Bah alors, je comprends pas. Non, c'est pas rapport à ça, mais c'est pas exactement la même chose que David, en fait. Ah, d'accord, juste ok. Moi, il y a une semaine et demie, deux semaines, en fait. Donc, voilà, avant la Saint-Valentin, donc c'était vendredi, comme tout le monde sait. Mmh. En fait on était en soirée tout ça et puis il y avait la cousine et la meilleure amie de ma copine actuelle en fait. Attends, donc il y avait la cousine la cousine de ma copine et une de ses meilleures amies. À la cousine ou à ta copine la meilleure amie? Voilà. Comment? À ta cousine, enfin à la cousine ou à ta copine la meilleure amie? Il y avait les deux en fait. D'accord, ok. La cousine de ma copine et la meilleure amie de ma copine. Voilà, parfait. Bon, voilà. Très bien. Ça se claire directement. Voilà. C'était dans le détail mais j'aime bien le détail. Ouais, moi aussi. Et donc à cette soirée, en fait, je me suis tapé sa cousine. Bravo. Ah, bien. Un petit bip bip, non? Ah ouais, pas mal. Il s'est mis... Tu t'es mis bien, là? Plutôt, ouais. Ouais, on foirait, va. Et donc? Et donc, en fait, pour être franc avec elle, j'ai voulu lui avouer. Mais pourquoi faire? Mais j'ai bien choisi mon jour parce que j'ai choisi le jour de la Saint-Valentin. Ah bah ouais, évidemment. Cadeau. Voilà, un beau cadeau. Mais pourquoi tu lui as avoué? Bah parce que j'avais un petit peu des remords en fait. Mais alors, mais vis avec. Ouais, mais c'est parce que j'avais kiffé avec la cousine, tu vois. J'adore entre l'autre et... L'autre ordure là qui lui annonce tout ça là, et l'autre qui dit mais vis avec tes remords. Mais oui, lui. Vis avec. Attends, je vous explique. Ah, je vais raconter mon truc. Hein. Mais vas-y. Ma meuf me trompe, je préfère qu'elle ferme sa gueule, je veux pas le savoir. Évidemment, si c'est un one shot, hein, si elle passe sa vie à me tromper, je préfère le savoir à un moment. Mais je veux dire, si c'est juste un one shot, non mais c'est vrai, si c'est juste un one shot, je préfère pas le savoir. Et qu'elle ait des remords, eh ben tant pis pour elle, elle avait qu'à pas le faire. Et je ne veux pas qu'elle le partage avec moi, sous prétexte qu'elle est honnête, je m'en branle. L'honnêteté c'est pour les cons. Non mais c'est vrai, ça sert à rien l'honnêteté. Et l'honnêteté c'est de pas tromper, c'est de rompre oui, avant. Voilà, exactement, ça c'est l'honnêteté. L'honnêteté c'est d'être fidèle. Si après vous avez été voir ailleurs, vous n'êtes plus honnête. Donc c'est pas la peine de dire ouais mais je vais être honnête, je vais lui dire. Bah non parce que tu l'es déjà plus. Ouais, et l'honnêteté ne paye jamais. Et l'honnêteté ne paye jamais. Enfin rarement, ça peut arriver. Mais pour le coup, certainement pas en allant dire à ta copine ou à ton copain ouais bah en fait je t'ai trompé, etc. C'est-à-dire que à part casser un truc, enfin un gros truc d'ailleurs dans la relation, la confiance, tout le bordel, ça ne sert à rien. Fermez votre gueule, vous le referez plus, vous avez compris la leçon, machin, etc. Vous avez des remords, eh bah tant pis pour vous. Hein, vous avez bien kiffé quand vous étiez en train de bourrer Martine. Eh bah voilà, bah faut vivre avec maintenant. Bourrer Martine. Oui, enfin j'aurais pu choisir n'importe quel prénom. Comment tu dis? T'as un bon prétexte aussi pour la quitter. Oui, ah bah si après tu voulais la quitter, après c'est différent. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Non, j'allais pas faire ça juste... Bah, si j'avais voulu rester avec elle, je l'aurais pas dit, tu vois, j'aurais vécu... Ouh, mais détrompe-toi, des mecs comme Toff, par exemple, le font sans problème. C'est pas parce qu'ils trompent leur... Enfin, c'est pas parce que Toff trompe sa meuf qu'il veut forcément la quitter. Pas du non, tout. Non, il aime, il les aime toutes. Ouais. C'est un chaud lapin. Oui, non, oui, bah oui, façon de parler, façon de parler. C'est pour tout ce qui passe, c'est pour tout ce qui passe. Voilà. Et c'est surtout ça, et donc, tu sais, je n'aime pas rater une occasion, donc tant qu'elle se présente, je préfère la saisir. Tu devrais pas la rater, mais celle de te taire. Hein? Non, ça non. Il y a un grand philosophe qui a dit un jour, dans l'improbabilité du dos, je bourre le dos. Et oui, c'est vrai, voilà. Exactement. C'est et vrai. J'ai toujours suivi ce conseil, c'est un grand philosophe. C'est un grand homme. Tout à fait. Bon, et donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'elle a dit, ta copine? Eh ben, du coup, on s'est pris grave la tête le soir de la Saint-Valentin. Sans blague. Ouais. Et bah du coup là c'est fini quoi. Enfin voilà quoi. Et, ah oui oui. C'est une grosse embrouille. Et après en fait bah comme du coup le soir de la Saint-Valentin j'étais tout seul. Il y avait la meilleure amie aussi avec qui j'avais sympathisé à la soirée. Ouais. Donc pour faire une pierre deux coups, je suis allé voir la meilleure amie. Ouais. Et du coup. Tu lui as mis un coup. Voilà, tout à non, fait. Non mais c'est un truc de ouf. Comment c'est possible que ça arrive toujours aux autres ça? Ouais, moi ça m'arrive jamais. Moi, ouais, non, c'est dingue. T'as l'impression que c'est que dans les films. Non mais parce que moi je suis un bachelor pour ça. Non genre l'autre il se la ramène un peu là. Attends, non, je vais te faire redescendre arrière. Hop là, voilà. Hop là, il va vite redescendre là à sa place. Ah, Kader. Je vais te poser ma bite sur la tête, ça va te ralentir ta croissance. Exactement, ouais. Je pense qu'il y a, il faut parfois comme ça montrer, montrer qui est le patron. Ouais. Et en l'occurrence, le patron, si tu veux, le patron, c'est lui. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut montrer qui est le cador. Et le cador, c'est ni toi, ni moi, ni personne. Le cador, c'est lui pour l'appel Jean-Lambert. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? C'est vraiment une voix de station, hein, quand même. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Bon, eh ben merci. Le cador était pas mal non plus. Hein. De quoi tu dis, Kader? Celui que t'as aussi un peu chamboulé tout à l'heure était pas mal aussi. Hein. Ah oui, oui, oui, oui, l'autre qui était long, là. Putain, c'est clair, le mec était bien violent aussi. Ben merci, Kader, en tout cas, d'être passé. Eh ben, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Eh ben, plusieurs personnes, je vais passer le dédicace à toi. Non. Ah oui, plusieurs d'un coup. Ibrahim, le bachelor de la classe, Morgan. Kader, qu'est-ce que t'as pas compris? Il y a une personne. Bah ouais, mais une personne. Ah bah faut choisir la meilleure, faut choisir la personne que tu veux absolument saluer. L'une seule, Michael. La seule et unique. Michael Donald. Voilà, tu vois quand tu veux. Hop, ça y est, tous les autres vont t'insulter demain, mais c'est pas grave, c'est ça le jeu. Mais non, mais ils vont pas m'insulter parce que je passe une grosse dédicace à tous les LRT2, à Ibrahim le bachelor. Voilà, et tu vois, là, je suis allé Kader, oh là là, et ces dédicaces qui font chier tout le monde. Oh là là. Et je salue mon chien, et je salue également et je salue la serveuse qui m'a servi mon café. C'est vrai quand même, les dédicaces. Hein Kader? Ah ouais, normal, une petite dédicace, c'est normal. Bah oui, mais et non. Tu les vois demain? Bah en plus, et non, pire, parfois mais les gens sont à côté d'eux. Ouais, dédicace à Thérèse, même s'il écoute pas. Ça, c'est les dédicaces qui me font le plus marrer. C'est ceux qui dédicacent un truc alors qu'ils savent pertinemment que l'autre n'écoute pas. Et ça, c'est le top. Ouais, mais juste après, ils l'appellent, ils font, je t'ai fait une dédicace sur Fun. J'ai fait une dédicace, c'est vrai, ouais. Bon, salut Kader, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux en tout cas. Salut à toi, ciao Kader. Bon, David, bah bonne bourre alors avec ta femme. Tiens-nous au courant, hein. Bah ouais, bah écoute, hein, je tiendrai au courant, pas de problème. Bon, hein. Bah j'espère bien. Salut Kader. Salut David, excuse-moi, j'ai tout mélangé moi. Salut David, ciao à toi. Bye bye, on va faire la réponse à la colle maintenant là avec Christopher qui est toujours avec nous. Chris, t'es là? Ouais. Parfait, la réponse à la colle, ça me paraît pas mal. On va enfin savoir si tu repars ou pas avec le smartphone, le Arcos 45 Platinum. On y va, c'est parti Christopher, on appelle le gagnant ou la gagnante. Je rappelle donc que c'est quelqu'un qui a donné la bonne réponse par SMS ou via le Facebook qu'on appelle. Si la personne qu'on appelle donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle ne décroche pas ou qu'elle donne la mauvaise, c'est toi qui gagneras Christopher, on y va. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Oui, Lisa. Oui, Lisa, bonjour Lisa, comment ça va? Eh ben très bien, et toi? Bah très bien Lisa. Bon, il y a c'est Christopher qui a une colle à te poser là, vas-y Christopher. Alors, personne ne me veut mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je? Eh ben écoute, c'est la guerre, il me semble. Ouais. Eh ben voilà. Bravo à toi Lisa. Dis-moi, t'as quel âge, dans quelle ville? Eh ben écoute, j'ai 20 ans, je suis à Chambéry. À Chambéry, d'accord, ok, très voilà. Bien. Bon, eh ben écoute Lisa, attends, Chambéry, c'est tout près d'où ça? À côté de Grenoble. Ah bah très bien, eh ben écoute, quoi. On y va, on vient dans 3 semaines, pas loin là, si tu veux on te dépose le téléphone Lisa. Ben y a pas de problème, je vous attends. On va faire une ou deux petites pistes là avec Toff et avec Polo là. Bon, y a pas de problème. Est-ce qu'on va revenir en une seule pièce? Surtout Polo qui n'a jamais fait de ski, on verra, mais on verra, voilà, j'en dis pas plus. On verra. Bon, ben je te fais des bisous, Lisa. Je t'embrasse. Eh ben, super, merci. Salut. Bonne soirée à tous. À bientôt, Lisa. Christopher, bah désolé pour toi, mais tu reviens quand tu veux, hein, d'accord? Ouais. Salut, Christopher. À bientôt. Salut. Ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, minuit 37 sur Fun. Il y a les appels de Toff qui vont débarquer dans quelques minutes. On va continuer à parler de ce que, bah, des expressions pour dire qu'on se branle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme idée d'expression pour dire qu'on se branle, à part, j'en sais rien moi, s'astiquer le... Mais le poireau par exemple. Ça se tiquait le tof, moi voilà. J'appelle ça le tof. Si vous en avez d'autres, facebook.com/MIKL officiel et on en parle après. Tony Junior sur Fun. Bien comprendre, Mickaël No Limite, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël No Limite, de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec Fanny qui dit... Ah oui, pour rapport aux expressions pour dire se branler, il y a Fanny donc qui dit sur le Facebook, faire mousser le cyclope, emmener Popol au cirque. Ça, j'aime bien ça. Ce sont des expressions pour dire qu'on se masturbe, pardon, et j'en profite pour faire un bisou à toute l'équipe. Bah, gros bisous à toi Fanny également. Edouard qui dit traire la mamelle pour avoir du lait. Ah ouais, classe. La petite fée qui dit être cocu c'est pas top, surtout quand ton mec te jure que non et que tu découvres tout par la suite, ça fait mal. Ah bah oui, ça c'est sûr. Tristan aussi qui dit vieux blanc, c'est plus drôle en regardant la photo plutôt que tu racontes. Mort de rire, les deux enfoirés t'ont laissé galérer les chiens. Mais oui, quand tu es en train d'expliquer l'histoire du Kinder là, que j'ai mis sur le Facebook, allez voir, moi je trouvais ça drôle. Bon bah ça est pas le cas de tout le monde a priori. Attendez, je vais voir s'il y a des nouveaux commentaires qui viennent d'arriver. Sont-ils positifs ou pas? De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. S'ils sont positifs, je les dirai. S'ils sont négatifs, je dirai qu'on a reçu aucun message. Hein. Soyons enculés comme tout le monde. Bah oui. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors attendez, je vais voir. Et nous n'avons reçu aucun message. Oh, c'est dommage, je suis triste. Aucun message sur ma photo du Kinder, je suis déçu là. Oh là, Facebook.com/MIKL officiel. Allez voir, il y a le prince Nadia qui dit c'est uniquement réservé aux garçons les expressions pour la masturbation ou on peut en dire pour les filles aussi. Oh bah tu peux en dire pour les filles aussi le prince Nadia. Fafa qui dit se purger le pipeau. La petite fée qui dit ah oui je l'avais déjà lu. Il y a Jean-Pascal qui dit salut l'équipe. Nous à la Réunion on dit pour se branler râle la peau. Ah ouais. Je suis curieux de voir au Canada comment ils disent aussi. Ah, ils doivent, à mon avis, se faire un truc bizarre aussi là-bas. Je m'engorge le sifflet. Non, j'invente, ça n'existe pas. Il y a Timothée qui dit s'éplucher la perche. Ah, c'est classe ça. Hein? Non, j'aime bien celui-là. Ouais, et Ndjul Piu-Piu qui dit moi, elle m'a fait rire la photo, je compatis Mickaël. Ah, hashtag tof enculé. Bah, t'as bien raison, Ndjul Piu-Piu. Et Dragon qui dit des expressions pour se branler effeuiller le baobab, me pignoler. Pignoler la gaufrette ou me découpiller la bombilette. Ah, eh, vous êtes bien, vous avez quand même de l'imagination, les mecs, c'est pas mal. Bon, on va continuer à en parler dans quelques minutes. Retour avec Angel dans quelques minutes. On aura Samia aussi pour parler des films X. Ça va, Samia, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais, bah ça tombe bien salut. Salut Samia. Ça tombe bien que tu sois là maintenant puisqu'on va faire quelques appels déjà avec Tof. On avait posé la question tout à l'heure de savoir si on était tombé sur une enquête américaine qui disait que les filles regardaient beaucoup plus souvent des pornos amateurs que des pornos de grosses productions, voilà, style Dorcel, classique quoi, c'est ça. Et donc du coup, avant qu'on fasse un appel vite fait, Samia, quel est ton avis, toi? Tu préfères amateur ou pas, ou tu regardes pas? Moi j'aime bien les deux. D'accord, bah tu vas nous expliquer dans quelques minutes pourquoi Samia ne bouge pas de là. On va d'abord faire un petit appel avec Tof. Mais allons-y. Allez, c'est je parti. Je suis prêt. Demandons directement aux auditeurs ce qu'ils pensent justement de ça. Est-ce qu'ils préfèrent l'un, l'autre? Comment réagit leur copine ou leur femme grâce au numéro que vous nous avez envoyé depuis tout à l'heure, hein, donc sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on appelle. Bouge pas de là, Samia. Allez, 1h15. On va se mettre bien là, enfin, j'espère. Allez. Ah, pensez que c'est... Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez au courant que votre femme préférait regarder des films porno amateurs. Pardon? Je demandais si vous étiez au courant que votre femme préférait regarder des films porno amateurs. Pourquoi vous me dites ça monsieur? Bah, parce qu'en fait il semblerait que les femmes préfèrent regarder des films porno amateurs et du coup je voulais voir si c'était vrai avec votre femme. Oh, même pas une petite réponse. Bon, on le rappelle. Allez hop, on y retourne. Allô? Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Oui. Oui, donc non, je vous demandais si c'est vrai que votre femme préférait les films porno amateurs. Bah, je sais pas, t'as qu'à demander à ta mère, non? Mais je vois pas le rapport, parce que c'est à votre femme que je pose la question. Ouais, moi je t'encule, va bâtard. Mais pourquoi vous voulez m'enculer, non, monsieur? Enculé, va, fils de pute. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Niquer ta mère. Mais enfin, monsieur... quel homme sympathique. Ah, il était bon lui. Charmant. Ah, il était pas mal. Mais pas aussi virulent que celui-là. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, mais il était pas mal quand même, hein. Non, je l'ai aimé. Il était bien. Il y a Christophe qui dit salut Mickaël équipe, si vous êtes sur Bruxelles samedi, je vous invite au Martini Bar de Brussels. Ça me ferait plaisir de vous voir, je vous paierai un verre de bienvenue. Ah. Ah si, un verre de bienvenue. Si, un verre de payé. On peut faire la route. On peut faire la route, sans problème. La petite fée ici, moi je suis avec toi, Mickaël, pour le Kinder, c'était marrant. Merci la petite fée. Et Olivier qui dit, sans toi les soirées seraient longues, je te kiffe Mickaël. Bah sans vous aussi, elles seraient longues pour le coup. Et moi aussi je vous kiffe. Bon, Samia, avant qu'on fasse d'autres appels tout à l'heure, avant qu'on fasse les JO de saut de ski avec du lourd ce soir, ouais. Il va y avoir de la casse. Je pense. Aïe. Ouais, je j'ai pense peur. Qu'il va y avoir de la casse. Avec les JO, pour ceux qui ne connaissent pas les JO, eh bien on fait nos propres JO ici dans les couloirs de la radio. Et bah on a la première vidéo, on avait fait du patinage la semaine dernière, du patinage de vitesse donc dans les couloirs de Fun. Et vous pouvez aller la voir, la vidéo, elle est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Samia, tu l'as vu la vidéo toi ou pas encore? Oh, t'entends mal, c'est moi qui ai fait de la merde. Samia? Oui. Voilà, tu l'as vu ou pas encore? Non. Bon, il faut aller la voir, Samia, tu vas voir. Ces deux hommes magnifiques, pleins de muscles, polo, étoffe, en train de déferler à grande vitesse les couloirs de la radio sur du plastique avec des chaussettes remplies de savon. Et voilà, et c'est ça. C'est surtout le muscle qui est important. Hein. C'est le muscle. Ouais, c'est vraiment. C'est ça le plus sexy. Ah, mais complètement, c'est le muscle qui est on là. On est des athlètes, moi, de, ouais, de grands athlètes de bas niveau, mais de, des athlètes quand mais même. Des athlètes. Complètement. Et ben, j'ai hâte de voir ça. Oh, bah, tu peux aller voir, hein, Samia. Tu seras pas déçu, tu seras pas déçu, je pense. Vraiment pas déçu. Bon, alors, Samia, ma belle, tu nous appelles pour parler de films de boules. Ouais, pour réagir à ce que vous avez dit. En fait, moi, j'aime bien les deux, mais parce que t'as des choses différentes dans les deux styles, quoi. Mais les films amateurs, en général, c'est un peu moins violent, un peu moins sexuel, quoi. J'habille, hein. Voilà. T'es en train de regarder son film de boules en direct. Ouais, mais les films amateurs, c'est quand même crado, quoi. Et moi non plus j'aime pas. En qualité c'est pas terrible, parfois ça dépend en fait. Ouais, mais après ça dépend parce que t'as des mecs qui font de l'amateur mais qui essayent quand même de faire des trucs propres, etc. Parce qu'ils se prennent pour une grosse prod. Mmh. Et puis après il y a celui qui met. Alors j'imagine que ça doit exister, je vais en parler parce que j'ai jamais vu pour le coup, mais j'imagine qu'il y en a qui l'ont fait. C'est genre mettre la GoPro juste au-dessus de la bite. J'ai vu ça. Et d'arriver et pom pam pam pam pam. Ça j'ai jamais vu, mais par contre ouais t'as ceux qui mettent. En tout cas si personne l'a fait, je pense que l'idée est lancée là. Ouais. J'y penserais. Non, mais ceux qui mettent genre 3-4 caméras chez eux pour essayer d'avoir à peu près tous les angles et puis ils se filment tout seuls, quoi. Ah ouais, ça c'est possible aussi, hein. Mais, donc, mais en général, tu vois, c'est. Mettre 3-4 caméras au-dessus de son lit déjà. Ah, il faut être complètement barré, hein, je suis d'accord. Mais si par exemple, un jour tu te tapes off, ce que je ne te souhaite pas pour le. Même ma pire ennemie, je ne le souhaite pas. Eh bien, tu vas voir que. Bah, lui peut le faire, hein. Ah oui, moi je peux largement faire. Il a 4 caméras chez lui. Ah, minimum, ouais. Ah bah complètement, ouais. Minimum, je sais pas, mais. D'ailleurs, Samy, à combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Oh, ouais, il est un peu indiscret, mais toujours, moi, toujours. Il est 90C. Oh là là. Ah oui, c'est comme c'est énorme. Et la taille de tes pantalons que tu as acheté? 38. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est bonne. En toute simplicité, évidemment. Oui, si tu veux faire un porno, quand tu veux, quoi. Non, mais elle cherche pas. Je note. Ouais, mais par contre, si elle cherche des mecs pour faire du porno, parce que je rappelle que Toff a déjà essayé de faire du porno, il s'est fait caler. Toff, raconte cette histoire. Toff, il s'est fait recaler à Marseille. À Marseille? Non, c'est dans le sud que t'avais été, non? Non. Ah, il me semblait, je pensais que t'avais été dans le sud. Non, c'était à Paris. Ah, d'accord, ok. Non. Bah, rien, je suis allé. Trop petite bite. Ouais. Et donc, je ne convenais pas pour le rôle. C'est pas vrai. Ils ont dit ça? Bah oui, c'est ça. Mais t'as pas fait d'essai? Non, il cherchait un mec surdimensionné. C'est-à-dire qu'il voulait 20 minimum. T'es parti la queue entre les jambes. Ouais, mais je suis pas le seul, hein. On était plein. Attends, mais vous êtes regardé, vous aviez pas honte un peu? Non, t'es là, enfin si, enfin il y en a qui avaient honte, mais sinon. On est tous des petites bites. T'es là. Non, mais t'es là, oui. le t'as le braquemar, et puis le mec il passe avec et sa là, règle. Et là, le teuf il avait le braquemar, il dit bon, vous allez bander ou pas? Sérieux? Mais oui, le mec il passe avec sa règle, il vient, il fait non, c'est trop court. Mais tu bandais? Ouais, tu bandes, voilà, t'as pas le choix, quoi, tu te branles, quoi. Mais t'es un c'est horrible. Tous les jours, il m'apporte son lot de folie. Et donc voilà, le mec il vient avec sa règle, il mesure et il dit voilà, ça me convient ou ça me convient pas. Et en fait, ça convenait pas, quoi. Voilà, bah ouais, ouais. La charrette, il y avait beaucoup de petites. Ah ouais, le mec il cherchait 20 cm, donc. Tu dis Samia? T'as vu le mec qu'ils ont pris finalement ou pas? Non, parce qu'il était pas dans les mecs qui étaient avec moi. Ah ouais, parce que Toff, il était venu avec ses potes, hein, tous des petites bites. Et donc forcément ça fait une catastrophe. Non mais 20 cm, tu connais beaucoup de mecs qui ont des bites de 20 cm toi? Bah t'entends, toi t'en as 18-19? Bah oui, bah 18 ça fait pas 20. Bon arrête. Genre comme tu l'as vendu, ça veut dire qu'elle fait pas 18 la tienne, hein. Si, la mienne elle fait 18. Tu connais beaucoup de mecs qui ont 18, qui ont 20 cm? Alors si t'as 18-19, tu fais pas le malin, tu dis ouais, ils sont à 2 cm. 20 cm c'est énorme. C'est enfin moi je. Et 19 non? Bah 19 c'est déjà c'est déjà plus raisonnable. 18 moi ça va. Mais vraiment que vous pour penser qu'un centimètre ça fait la différence. Non, alors au contraire, moi je suis le premier à dire que avec 5 cm tu peux faire jouer une femme si tu joues, si tu gères bien le dossier. 5 cm peut-être pas quand même. Si, non, véridique pour le coup, avec 5 cm c'est vrai. Bon après j'avoue que 5 cm c'est pas énorme. Mais franchement les mecs qui ont une bite de 10, 12, même 14, c'est largement bien, largement suffisant. En moyenne le vagin fait 14 ou 15 cm, ouais, c'est ça de profondeur. Voilà. Donc ça a aucun intérêt d'avoir un truc de 50 cm. Voilà, ça n'a aucun. C'est plus petit, hein. Ça fait même pas 15 cm. Hein. À peu près, ça dépend. Pas, en moyenne, c'est en moyenne. Si, c'est une dizaine de centimètres. Ah ouais, parce que Polo, pourtant, il a déjà fait des explorations avec son casque qui s'allume sur la tête. J'ai tapé dans le fond, moi, une fois. J'ai même ramené du sang des règles. Merci. Non, mais c'est vrai. Oh, quel dégueulasse. J'en avais du sang partout. C'est bon. On peut pas savoir. Moi, c'est pour ça que j'ai le piercing. C'est pour aller récupérer. Merci, Top, ta gueule. Putain, on voulait pas savoir non plus. Bon, d'ailleurs, vous êtes puni. Tiens, hop, plus de micro. Voilà, pendant une minute. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal, non? Un petit, voilà. Ouais, c'est mieux, ouais. Une minute de punition. Comme ça, on est tranquille. Non, mais c'est vrai, il faut, y a maman, parce que sinon, on n'y arrive plus, quoi. Bon, alors. Faut les discipliner un petit peu. Voilà. Ça. Bon, Samia, nous sommes entre nous. Qu'est-ce que, donc, tu voulais parler des films de boules? On est mieux comme ça à deux, non? Ouais, c'est plus intime. Ah, mais grave. Putain, on est vachement plus sympa. C'est vachement plus cool, quoi. Bon, alors, Samia. Parlons film de cul, Samia. Oui. Donc non mais c'est dit quoi, j'aime bien les deux et parce qu'il y a des choses différentes dans les deux quoi, et ça dépend de au moment où tu regardes ton film de ce que t'as envie quoi. Ouais et, mais par exemple qu'est-ce qui te donne envie qu'est-ce qui te donne envie de mater un amateur et qu'est-ce qui te donne envie de mater une grosse prod? Mais après ça dépend de si t'as plutôt envie d'un truc cool parce qu'en général les films amateurs c'est quand même pas de la, c'est quand même pas sauvage comme peuvent être les grosses productions quoi. Alors que dans les grosses productions, c'est vraiment du sexe brut en général, quoi. Dans les films amateurs, t'as un petit peu plus de sentiments, ou t'es un peu plus amoureux, quoi. Tu peux, oui, c'est vrai que ça peut être plus amoureux, effectivement, ouais. Hop, c'est bon. La minute est passée, là. Excusez-moi. Voilà, la minute est passée, c'est bon, ça y est, c'est fait. Ah, ils sont de retour. Bon, alors, donc oui, c'est vrai que tu peux avoir plus d'amour que dans les films. Et t'as surtout pas l'histoire de merde. Bonjour, c'est le pizzaiolo, je suis le réparateur de la machine à laver, etc. Non, mais maintenant, ils font des efforts. Hein. Franchement, il y a des bons scénarios, mais non. Quand ils refont Pirates des Caraïbes et tout, il y a des bons scénarios. Oui, tu peux avoir des bons scénars, c'est vrai. Il y a la petite fée qui dit Toff recalé, ballot, Polo, t'es dégueulasse, je suis d'accord. Le prince né qui dit Toff a fait un casting pour un film porno, il n'a pas raté sa vocation car c'est un très bon animateur radio, bah ouais. Et puis Jean-Pascal qui dit Toff, tu m'as tué avec ton histoire. Il y a qui aussi, Tristan qui dit au passage, je peux avoir un message de bienvenue, je le demande depuis hier. Bah oui. T'as vraiment une voix de tafiole hein, quand même. Hein. Bah voilà, je l'ai pas entendu ta voix encore, mais au moins tu l'as comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message Olivier qui dit sans toi les soirées seraient longues, je te kiffe. C'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Ne désespérez pas dans votre casting porno. Bah, mais c'est Toff qui veut faire un casting porno là. Oh. Et nous mettez pas tous dedans. Hein. Mais je pense que c'est parce que le mec il voulait faire une double et donc forcément il faut des mecs longs pour que ça puisse y aller. Quoi. Ah oui. Et Samia qui avait posé une question judicieuse. Pourquoi tu voulais faire ça? Pour rire comme ça, pour déconner. Non, je suis sûr qu'il voulait faire carrière et comme il sait faire caler, il dit que c'est pour rire. Non, je sais que voilà, acteur porno ça paye pas donc. Ouais. T'as les acteurs porno, d'ailleurs c'est pour ça que t'as les 5 mêmes dans tous les films, c'est parce que ça paye pas et qu'ils sont obligés de tous les faire quoi. Ouais, y'a Mystique qui dit oh, quel calme quand les deux chauds du cul ont la chic coupée par Mickaël. Ah oui, c'est. Et Abdou qui dit au Canada ça se dit pogner le bas. Se branler. Merci Abdou pour l'info là justement. Bon et dites-nous les filles, est-ce que bah, comme Samia vous appréciez regarder les films X ou pas hein? Samia tu restes encore avec nous 5 minutes? Ouais. Ouais, on est bien là deux, non? Surtout quand les deux sont barrés là. On est bien. Mais ouais. Mais oui, on va continuer comme ça Samia. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h. Exactement, et le jingle qui est parti en couille, c'est parfait. Bon, on va se faire Major Lazer maintenant sur Fun Radio avec Come To Me. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. Il y a un message aussi, continuez mordurer le casting. Toff, tu t'en es remis? Ouais, je pense que ça va là. Ouais, mais ça va, enfin ça m'a... Je suis resté frustré, c'est tout. Voilà. Alors, et la petite fée qui envoie un message, tu as Mickaël, on fait un porno à deux. Alors faut voir le physique, après moi je suis difficile là-dessus. Hein. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nous limite. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en liberté, effectivement, on est sur Fun Radio. Il y a Thomas qui dit 21 cm, mais honnêtement, ça fait des fois chier, imagine, rentrer un 15 tonnes dans une porte de baraque. Ah putain, je la retiendrai celle-là. Ouais, je la replacerai. Ah, je vais la replacer, n'est-ce pas Samia? Elle est pas mal. Bien vu Thomas, tiens. Il y a Walnise aussi qui dit: je vous adore, je vous écoute depuis 30 minutes et je fais que de rire. Bah tant mieux Walnise, bienvenue à toi. Let's be freaks qui dit: se chatouiller la fleur pour les expressions. C'était par rapport aux expressions qui veut dire se branler. T'en connais toi ou pas Samia des expressions? Non, j'étais en train de réfléchir, mais avec tous les bons trucs que vous avez sortis, moi j'ai pas d'expression. Bah ouais, il y a s'enfourner un bon pain, je viens de l'inventer. S'enfourner un bon pain. Des petits pains. Pourquoi pas? Il y a le Tanguy du web aussi sur le Twitter qui dit faire un 5 contre 1 sous le chapitre. Il y a DJ Rome sur le Twitter également, le petit poussé, mais rien ne sortait. Il y a également qui dit: s'il y a des expressions sympas du genre dégourdir l'unijambiste, on l'avait dit tout à l'heure, faire mousser le créateur ou se cerner les yeux. Se cerner les yeux, ouais, pas mal, pas mal. Et alors, faire dégorger le poireau. Ouais, dégorger le poireau, évidemment, il est connu. Et le prince Nadia qui dit: j'adore cette expression pour la masturbation féminine, flair. Pleurer la madeleine. Oh, c'est mignon, so sweet. Et Megumi qui dit: faire cracher la sève de l'arbre, non, c'est pas drôle. Bah non, mais c'est vrai, hein, faire cracher la sève de l'arbre, pourquoi pas. Et Guillaume qui dit: pour la question que tu as mise à propos de la branlette, je pense à polir le lance à foutre. Polir le lance à foutre. Oh là là, on est pas mal là. On est très très bon même, j'ai envie de dire. Bon, ah tiens, Samia, t'as traîné un peu sur internet là ou pas récemment là? Non. Ah, dommage. Est-ce que t'as pas vu la vidéo d'un couple qui fait l'amour au Rampage 2014? Pour ceux qui savent pas, le Rampage c'est un gros événement drum and bass qui se passe au Sport Palace d'Anvers et qui rassemble à peu près 15 000 personnes. Et donc en fait il y a un couple qui décide de faire l'amour au milieu de tout ça. Et puis ils ont pas essayé de faire le truc discrètement. Hein. La meuf s'est assise sur le mec, le cul à l'air. Et en plus apparemment ce serait même pas son mec puisqu'elle a été vue avec un autre mec un peu plus tard dans la soirée. Oh c'est dingue. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà fait. Et moi je les ai vus il y a 3 ou 4 de plan, hein. C'est-à-dire qu'il y avait genre les mecs ils sortaient leur portable, ils les filmaient, ils en avaient rien à foutre quoi. Attends, c'était open bar là. Donc venez nous dire s'il y a des endroits, venez nous dire des endroits les plus improbables où vous avez déjà fait l'amour. Samia, c'est quoi toi tant que t'es là? Au cinéma. Mais il y avait personne. Ah bah oui, mais c'est pas drôle s'il y avait personne. Mais attends, t'as fait l'amour ou c'était juste les petites touches pipi? Non, j'ai fait l'amour. Carrément. Non. Et quoi, t'es passé sur lui en fait, c'est ça? Ouais. Tu t'es installé sur lui quoi. Ouais, tranquille. Tranquille, pépère. C'était quoi le film? C'était Cette vie, avec Will Smith. C'était quoi le film, le titre? Cette vie. Ah, Cette vie, d'accord. Hey, okay. Mais comment tu peux coucher avec quelqu'un pendant ce film-là? Il est super triste. Ouais, on n'a pas vraiment regardé, en fait. Non, mais attends, on va voir un autre film aussi. Pas de dessin animé. Hein. Va voir un autre film. Tu vois, tu vas voir un film drôle, un film comique, ouais, et tu vas en même temps. Tu vas dans les films, les cinémas d'arrêt d'essai où il y a genre 3 personnes dans la salle, t'es sûr que t'es tranquille quoi. Oui, ou tu vas voir un cinéma porno. Ouais. Non, mais il n'y a plus de cinéma porno. C'est en retard et puis il n'y avait personne dans la salle quoi. Bon, mais c'est pas drôle s'il n'y a personne finalement. Enfin, c'est bien parce que l'endroit, mais c'est pas drôle dans le sens où personne peut te griller. Ouais, c'est vrai. Mais bah ouais. Bon, dites-nous les autres. Désolé, j'ai pas plus croustillant à te raconter. Ah, alors vas-y Samia. Non, j'ai dit j'ai pas plus croustillant. Ah, je croyais que t'avais un truc plus croustillant. Autant pour moi. Bon, attends, il y a Gilou qui est avec nous également là. Salut Gilou. Salut les jeunes. Comment ça va Gilou? Oh, comme un jeune. Comme un jeune en pleine forme. Comme un jeune en pleine forme, ouais. Bon, bah écoute, très bien. Eh, hey, dis donc, t'as des expressions toi pour dire se branler? Oh, ben, dire bonjour au père de mes enfants, oui, il y a plusieurs choses. C'est vrai, effectivement. Et une autre ou pas? Oh, on va bien trouver ça, ouais. Ah, très bien. Dis-moi, Gilou. Ouais. Tu voulais réagir à un truc en particulier, Gilou, ou t'appelles comme ça pour dire bonjour? Ah non, non, c'est Sandra qui m'a appelé. Ah, très bien, parce qu'il y a Samia qui est là que je voulais te présenter, Gilou. Ah ben moi j'ai envie de faire l'amour, au contraire. En fait. Ah bah parfait, alors écoute, alors je te la présente. Je te la présente du coup, Samia, Gilou, ouais. Samia. Ah ouais, ben c'est gentil, merci. Et en plus elle est magnifique, Gilou. C'est vrai ? Mais oui. Quelles sont ses mensurations ? Alors je peux te dire, elle fait 1m70, pèse 55 kg, 90 C et 38 de pantalon, Gilou, tu vas être bien. Ah alors là, dis donc, comme sur un matelas. Putain, il est énorme le mec. Je le sens. Voilà, exactement, ouais. Donc, alors, bah, je te présente. Bah, vas-y, alors, Gilou, hein, je te la présente. Elle est là, Samia, profites-en. Hein. Ah, bah, j'en profite, ouais. Bah, attends, je vais poser mon téléphone parce qu'il me faut mes deux mains. Hein. Ah. Faut que je me rende libre quand même. Hein. Bonjour, Sonia. Bonjour. C'est Samia. C'est Samia. Bon, ah, c'est pas Samia. Grave. On n'est pas dans le détail. Ouais, ouais. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Oui ou non? Dis-moi la vérité. Oui. Dis-moi la vérité. Hein? Dis-moi la vérité. Non, ça va. Tout va très bien, merci. Si ça va pas, tu me le dis au vieux. Hein? D'accord. Non, mais c'est vrai. Il mastique le père, là. Vous entendez? C'est en route d'un père de bis. Des trucs, toi, là, dis-donc. Toi, tu me fais pas de problème. Et toi, ça va? Ouais, ça va bien, ouais. Ah oui, il se branle. Il a des enfants, il... Ouais, oh. Il paraît, ouais. Ah, il paraît. Et tu as quel âge? J'ai 29 ans. Ah, bon, dis donc, c'est en pleine forme, ça. Qu'est-ce que tu aimes chez les hommes? Ah, plein de choses. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes... Bon, J'ai pas téléphoné pour un plan d'arrêt au téléphone. Vas-y, Samia. Mais si, fais-lui plaisir, Samia, pour 5 minutes. Tu aimes te faire poser le gaz, non? Poser le gaz, tu aimes ça, non? Tu connais pas? Non, je connais pas cette expression. Oh. Eh ben, c'est le sens contraire de devant, hein. L'électricité, c'est derrière, et le gaz, non, l'électricité, c'est devant, derrière, c'est le gaz. Ah, d'accord. Tu viens de te faire poser le gaz. Ouais. Tu aimes la sodomie? Non. Pourquoi tu roulis? Non, mais je roulis pas, je suis morte de rire. Bah, tu es morte de rire, mais faut que tu répondes à ma question, hein, sinon... Oui. Et Gilou, fille qui rit, fille au lit, hein. Comment? Je dis fille qui rit, fille au lit. Ah bah bien sûr, on va penser pris, hein. Et ça, il va falloir qu'elle me rappelle à 4h du matin, hein. Hein? Bah pourquoi 4h? Bien sûr. Ah bah si, bah comme ça, entre nous deux, là, on est à la radio, là, non? Non, là on n'est pas à la radio, vous êtes entre vous, là, hors antenne. Bien sûr que si, on est là. Mais non, on a mis un disque là, Gilou, là, ah, on est entre nous, on est au standard. J'ai coupé ma radio, moi là. Bah voilà, bah coupe la tiens, comme ça on met un disque. Ouais, d'accord. Voilà, vas-y. Non, mais si elle veut me rappeler, moi, un jour, je veux bien, si elle veut passer me voir, hein. Non, mais elle est là, profites-en, Gilou, elle est là maintenant, là, c'est maintenant qu'il faut en profiter, pas plus tard. Je lui donne mon numéro de téléphone, dis. Mais ça sert à rien, on est déjà là. Mais ça pas rien, non, mais pour vous êtes pas tous les jours là, vous. Mais si, on est là tout le temps. Moi, j'adore faire l'amour, tu pas tous les jours, mais presque. Hein. Ouais, mais voilà, mais justement, profites-en là maintenant, ce soir, là. Bah oui. Bah, je suis bien d'accord, tous les jours, c'est très important. Bah bien sûr, hein. Moi, c'est ma petite dose, hein, ça, c'est sûr. C'est... Il faut maintenir le matériel en activité, hein. Ah, exactement, ouais. Ben voilà. Et pour le café le matin, ça sert aussi, hein. Ben évidemment. Je te sucerai le sang et tout. Et ouais. Ah bah oui. Moi j'adore, moi. Ah bah oui. Arrête, tu me fais manger. Quelle couleur des yeux tu as, ma puce? Rouge, comme les albinos. Des yeux marrons, des yeux de cochon. Des yeux de cochon, hein, tu vois. Moi, les miens, elles sont bleus. C'est vrai. Sur les ongles, j'ai les beaux yeux. Mais les lampes, ils sont grillés. Je t'ai pas entendu. Je te dis, les miens, mes yeux sont bleus. Ah, d'accord. Je vois plus clair. Les lampes sont grillées. D'accord. C'est joli. Ah, ouais, bleu, un beau bleu clair, ouais. Et pendant ce temps, ils se branlent. Parce que quand vous entendez... Quel âge, clic, clic, clac, clic, clac. Oh. Tu sens que ça monte là. Ouais, bah. Un certain âge. Un certain âge, oui, trois fois comme ça. Ouais, mais un âge d'homme mûr. Ah oui, avec de l'expérience. Un homme expérimenté. Exactement. Et d'ailleurs, Samia. Oui. Oh, tu aimes le sperme? Ah oui. Ah oui, je m'en pétais. Tu aimes le... Non. Ah ouais. Tu avales le sperme? Non. Mais bien sûr. Ça donne les vitamines. Hein. Il paraît, oui. Ça nettoie les reins et tout. C'est bon, moi. Hein. Ben voilà, ouais. Ça nettoie les reins. Et tu aimes faire pipi dans la bouche, non? Oh, tous les deux, tu quelle horreur! Ah, bien sûr, je te kifferai dans la bouche. Ah, c'est gentil, ça. Ah, c'est gentil. T'aimes bien ça? Oh, ouais. Ah, vrai. Oh, ouais, puis tu me passes caca aussi dans la bouche. Non. Comme ça, ça m'empêche de faire la bouffe. Ah, mais je te ferai tout. Ah, c'est gentil. Je te récompenserai autrement. On ira au cinéma ensemble. Ou alors on emmènera le gamin au cirque. Hein. Il parle de sa bite, hein, le gamin. Tu l'emmèneras au cirque. D'accord. Tu habites où? Pas loin, pas loin, pas loin. Et elle est dans le Val d'Oise, Gilou. Pas loin de chez toi. Ah bon? Ben oui. Ah bah dans ce cas-là, il faut qu'elle me rappelle après l'émission, hein. Puis on va préparer un numéro pour... Ah bah oui. Pour avant jeudi, en tout cas. Ah bah minimum, évidemment. Ah oui, mais faut qu'on répète avant, toi. Ah oui, mais il va falloir répéter, là, hein. Ah bah oui. Ah bah tiens, évidemment, ouais. Ouais, moi, comme j'ai branlé 3-4 fois, c'est tout, hein. Bah oui, c'est ça, pas plus que ah ça par jour. Bah évidemment. Bon, et bah très bien. Eh bah Gilou. Ouais, c'est une affaire qui roule. Ah bah tu penses... Bien sûr que oui. Hein. Ah bah évidemment, très bien. Bon bah écoute, on va donner ton numéro à Samia et après je suis certain qu'elle te rappellera. Ah bah qu'elle me rappelle à la maison à n'importe quelle heure. Hein. Très bien, parfait. Hein? Eh bah écoute, je pense qu'elle est tombée sous le charme. Ah bah ah oui. Voilà. Tu vois, elle l'a dit. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Gros bisous. Je ne pas te serrer trop fort, si je te serrais aussi fort que je t'aime, puis je te ferai chier comme une vache. Alors, quand même. Oh là là là là. Je te ferai chier comme une vache. Parfait. Eh ben, quel gentleman quand même ce Gilou. Hein. Bon, Gilou, à quand tu veux, hein. Ouais, c'est gentil, ben n'importe comment, dès que je peux, je vous écoute. Mais là, ce soir, je fais le dur, mais j'ai mal aux dents. Ouais. Ah bah oui, mais ça, c'est qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Oh là là, Gilou. Oui, c'est le mal d'amour. Bah oui, je sais bien. Alors qu'une petite branlette, ça aiderait tout le monde. Hein. Non, ben, ça va s'arranger. Quoi. Bah, j'imagine bien. Bon, salut ouais, Gilou. Je fais un gros bisou, ma pêche. Eh ben, oui, il parle à Samia, pas à moi, j'espère. Salut Gilou. Ah non, toi, je te serre la main. Ah bah bien sûr, une bonne poignée de main, mais lavée d'abord. Hein. Ouais. Une bonne douche. Salut Gilou. Allez, salut, bisous les jeunes. Allez, ciao à toi Gilou. Bon, Samia, ne me remercie pas hein, de t'avoir présenté comme ça des gens, hein, l'homme de sa vie. Bande d'enfoirés. Mais nous aussi on t'aime Samia, t'inquiète pas. Alors j'en profite, j'ai un truc à vous demander si vous m'avez fait chier. Dis-moi, non, c'est toi qui as dit que t'étais d'accord de lui chier dans la bouche, qui était dégueulasse d'ailleurs, on a failli vomir dans ce studio. Ah ouais. Oh, c'est vraiment crado comme meuf. Hein. Oh, dégueulasse. Il y a Thomas d'ailleurs qui a envoyé un message qui dit oh, il veut sa douche dorée, le Gilou, il y a Sarah Vati qui dit j'adore le moment cul sur Fan Radio avec Mickaël. Stéphanie qui dit Gilou je te chie dans la bouche quand tu veux. Et ça a été dit par Samia ça hein. Wannis aussi qui dit ah non mais il est dégueulasse là, mais c'est trop drôle le petit jeu, il s'excite. Miller de Souza qui dit le vieux il a la dalle, Mickaël, nous sommes sur la route direction Gap dans le camion, on se marre grave avec le vieux. Salut Pascal, à Pascal l'Arménie, voilà, bon, on l'embrasse, et bien salut à toi. Et puis Olivier qui dit mon dieu, débarre Gilou, il a la voix de mon prof d'écho, je le verrai plus de la même manière, mais j'ai une érection. Merde. Oh Olivier, comment tu peux. Le prince Nia qui dit Gilou m'étonne de jour en jour. Et alors Let's Be Flux, il dit tu aimes te faire poser le gaz, putain je suis plié de rire. J'avoue que l'expression était quand même plutôt sympathique. Oh putain, j'ai du mal à pas exploser derrière. Ah bah ouais, et Secret Key sur le Twitter qui dit j'en peux plus, j'hésite entre rire et vomir. Oui. Et Sarah Vasvati, au sérieux, notre Gilou il se branle. Ah oui, bien sûr. Alors, et pour ceux qui avaient mal entendu, un jour il est passé à antenne et puis il a dit ça, une auditrice. Alors écoute bien, heureusement il l'a pas fait chez toi. On l'a moins entendu en tout cas, mais il faisait pareil. Hein. Oh, écoute. Voilà. Donc il était vraiment en train de s'astiquer le poireau, comme on dit. Bon, qu'est-ce que tu voulais demander toi, Samia? En fait, j'ai une amie, c'est pour un avis d'homme en fait. Dis-moi, une dis-moi. Amie, j'ai une amie qui est restée avec un homme quelques années, je ne sais plus exactement. Bah, ils se sont séparés parce qu'ils n'ont pas passé un cap et puis ils se sont un peu perdus de vue et lui s'est remis avec une nana, ça fait pas très longtemps. Et en fait, ils ont repris contact et puis là, ça fait quelques semaines que bah, il la sollicite quand même beaucoup, il l'appelle beaucoup, ils se sont vus deux, trois fois. Ouais. Et voilà quoi, il lui téléphone, genre elle est sous la douche, sa copine, et puis lui il téléphone à son ex quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bah qu'il a envie de la pécho, enfin qu'il a envie de la récupérer, point, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, ou qu'il a juste envie de lui mettre une cartouche. Ouais, moi je pense que c'est plutôt ça quand même. Bah ouais. Franchement, ouais, moi je vois que ça. Après, ça se trouve, le mec il a juste envie de contact. Mais c'est bizarre que tu sais, t'es plus de nouvelles. Et puis, bah, si je reprends contact avec une de mes ex ou qu'une de mes ex reprend contact avec moi, qu'on s'écrive, qu'on aille bouffer un bout un jour ou boire un verre, voilà. Mais de là à s'écrire tous les jours ou s'écrire très souvent, c'est qu'il y a un truc bizarre quand même, tu vois. Bah ouais, carrément. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'arrive pas trop à comprendre. Bah écoute, ouais, j'avoue que c'est bizarre, mais enfin, moi c'est comme ça que je le verrais en tout cas. Sinon qu'elle nous appelle, hein. Je pense qu'il a juste envie de lui mettre une cartouche. Mais bah, oui, c'est ça. Non, mais pas forcément de lui mettre une cartouche. Peut-être qu'il veut la récupérer, tout simplement. Ouais, bah, à suivre. Bah écoute, bah, exactement, oui, à suivre. On va plutôt faire ça comme ça, ouais. Mais écoute, bah, tiens-nous au courant, cela dit au passage, hein. Bah oui, je tiens au courant. Bon, je compte sur toi. Bon, bah écoute, Samia, me remercie pas pour t'avoir présenté l'homme de ta life, hein, surtout, hein. Ouais, bah, j'espère que mon mari n'a pas entendu parce que je suis dans la merde. Ouais, parce qu'après il va te demander de lui chier dessus et tout, ça va être... T'imagines, ouais, c'est son kiff. Il va te demander de lui kiffer dans la bouche. Ah ouais, t'imagines son kiff. Ah oui, mais j'ai entendu ça à la radio. Est-ce ouais. que tu peux le faire? Puisque j'ai vu que c'était ton délire à toi aussi. Ouais, j'imagine que son mari a la voix de tof. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah oui, toute perversion. Faut faire des choses pour te faire plaisir, pisser par la bouche. C'est ça, exactement. T'sais, un jour il va arriver, il va te pisser dessus. Mais je comprends pas, t'as dit à la radio que ça te faisait plaisir. Et là tu seras bien dans la merde, c'est le cas de lire. Je te fais des bisous Samira. Bisous bisous. A bientôt Samia, ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Il y a les JO qui arrivent dans quelques minutes. Il y a Hugo qui voulait parler des lieux insolites. On fait ça après Fall What des Changes sur Fun. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, nos limites, nos limites, Mickaël, sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, comme tous les soirs, ouais, il y a un message qui dit, puisque je vous avais demandé où est-ce que vous aviez déjà fait l'amour dans des endroits un peu particuliers, puisque c'est un couple qui a fait l'amour, enfin une meuf en l'occurrence, au Rampage 2400, c'est un événement drum and bass qui a lieu à Anvers, donc il y a plus ou moins 15 000 personnes, et puis bah ils étaient en train de baiser comme ça, en plein milieu de tout le monde, et donc ça a forcément été mis un peu partout sur YouTube, évidemment. Donc, d'où ma question, il y a Aigle 66 qui dit, j'ai pris ma copine sur le capot de ma voiture dans un parking souterrain, la petite fée aussi qui dit, Gilou il se branle, c'est la vie, hein, la vite fait. Hein. Ariel qui dit, il semblerait que le capitaine Gilou ait pris la barre. Ah oui, il l'a bien prise la barre. Il y a Jean-Pascal aussi, Gilou mort de rire. Il se branle sur une discussion, là, se faire poser le gaz. Non mais ça c'était exceptionnel. Benji également qui dit, putain Gilou il se branle en direct. Et Thomas aussi, il va nous claquer une soupape le Gilou là. Et Tristan également, le retour de Gilou, ça fait plaisir. Et Sony qui dit, sur un terrain de tennis, un terrain de foot, en forêt, aux toilettes, en boîte de nuit, toilette publique, dans la voiture, devant la gendarmerie, et j'en passe. Ah ouais, t'es un chaud lapin toi, hein, c'est pas mal. La petite fée qui dit faites pleurer Popol, c'est banal je trouve. Ouais, c'est un peu banal effectivement. Et Ariel encore qui dit Polo ne se masturbe pas, il se lustre le pipeau. Effectivement, on peut voir ça comme ça. On va faire les Jeux Olympiques avant de récupérer Hugo dans quelques minutes comme promis. Angel qui voulait repasser puisqu'il a eu un conseil de discipline pardon, il y a un petit bout de temps déjà. Jean-François également, Romain qu'on va prendre dans quelques minutes et Dof. Oui. En direct donc de ces magnifiques Jeux Olympiques de saut de ski. Mais avant de parler de l'épreuve de ce soir, il est important de mettre l'hymne évidemment. L'hymne donc des Jeux Olympiques de saut de ski avec Tof qui va arrêter de respirer comme un porc dans son micro. Tof! Oui. Arrête de respirer comme un porc dans ton micro. Voilà. Voilà, ça va mieux là, très bien. Parce que j'ai peur. Mais t'as peur de quoi là? Je comprends pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que Polo a construit une piste de obstacles et que donc je suis dans mon bobsleigh autotracté par Polo. Et que je suis à peu près sûr que ça va archi mal finir. Quoi, t'es à peu près sûr que ça ne va pas bien se passer, c'est ça? Oh bah, il n'y a aucune chance. Oh bah, je vois pas pourquoi. Si je meurs pas à la fin de celui-là, mais, ça sera pas mal. Mais non, mais ça va bien se passer, je suis certain que ça va bien se passer. Oh là là, j'en suis convaincu aussi, dis donc. Bon, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver, je vais venir vous rejoindre là pour voir. Alors, le principe donc des Jeux Olympiques, c'est évidemment de faire un maximum de casse, bien entendu. On n'arrive jamais jusque-là. Donc, alors, je vous explique, grosso modo, il y a Polo donc qui est donc en chaussettes évidemment, avec un sol rempli de savon de vaisselle sur du plastique, qui a mis Tov dans une espèce de luge en quoi ? C'est du polystyrène. Ah, en polystyrène, voilà. Et donc, ils ont mis une corde. Et le but, évidemment, c'est que, eh bien, Polo arrive à le tirer. Il faut savoir que Toff était, comment vous expliquer? Donc, il y a un couloir. Il y a quatre petites marches. Enfin, quatre marches, en fait. Hein, c'est pas des petites. Quatre marches. Cinq marches. Et donc, Toff va devoir glisser, retomber sur le sol. Et après, il y a un virage au niveau du bureau du sous-chef. C'est-à-dire que s'il le rate, il est dans le bureau. S'il le réussit, il continue sa route. Alors je vais quand même vérifier juste si ils ont pensé ne pas aller plus loin, puisque il n'y a pas de plastique plus loin, donc ils savent très bien que il y a quelque chose qui va se passer. Si on va jusqu'à la porte du sous-chef, ça sera déjà voilà, il y a quelque chose qui va mal se passer. Attention, les Jeux Olympiques de saut de ski. On y va, c'est la Belgique et la France qui sont en même temps maintenant. C'est beau, hein, ces deux peuples réunis. Oui, oh là là. Et ça c'est magnifique. Beau. Alors attention, je donne le top départ. Les Jeux Olympiques de saut de ski, la version, comment on appelle ça du coup 2014. Non, je s'en fous, mais le bordel que vous allez faire. Le bobsleigh. Ah, le bobsleigh, voilà, c'est ça. La luge, ah, voilà. La luge tractée, autant pour la moi. La luge tractée, attention, nous Jeux Olympiques 2014 de saut de ski, c'est maintenant. Allez, on y va. Oh putain. Je peux pas, mec, je peux pas. Donc il faut savoir que Toff s'est cassé le coccyx en fait sur la troisième marche. Polo est tombé évidemment. Et là évidemment bah ils ont raté puisque. Mais remonte. Il met son gros cul là. Il met son gros cul sur le truc. Allez c'est parti, vous êtes en train de glisser dans le mauvais sens. Allez on tire. Attention, il y a encore une petite chute. Et Polo qui vient de tomber, qui a failli faire tomber la fontaine à eau. Bon, ah oui, j'avais pas vu en fait, c'est pas une corde, c'est un câble électrique. Et il y a nouveau trois marches là, attention, et ouais. Bon, je pense qu'il y a un problème de porte. Voilà, ça va les gars ou pas? J'ai mal partout, mais sinon c'est cool. Bon, la deuxième partie là, est-ce que Polo doit monter dans le... Est-ce que Polo doit monter dans le bordel ou pas là dans la ouais, vas-y, allez, essaye, on va rigoler un peu. Allez, attention, c'est parti. Hop là, Polo qui a failli tomber en arrière. Je rappelle qu'effectivement, attention, sol glissant. Voilà. Bon, on recommence en speed alors, avant d'écouter Tiesto dans quelques minutes avec Red Lights. C'est parti, on y va. Donc, on remet le bobsleigh, la luge plutôt, au-dessus des 5 marches de la radio, du couloir de la radio. Toff va donc tirer cette fois-ci à son tour. C'est là que Toff a failli se casser le coccyx, ah ouais. Puisqu'il s'est viandé, hein, complètement. Il s'est vautré sur la troisième marche, sachant qu'il y a que ça en compte 5. On y va. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, oh là là. Attention, Polo est en train de glisser sur le coude. Ça va? Il va se remettre droit là, il y a la luge qui était complètement de travers. Donc c'est pour vous dire en fait à la place d'être debout sur la luge, il était complètement couché. Hein. On y va, c'est parti, on continue. Allez, c'est parti, on continue, il y a trois marches. Il y a trois marches et Toff qui n'y arrive pas évidemment. Trois marches donc qui le séparent du bureau du sous-chef. Où va-t-il terminer dans le bureau? Oui. Voilà, ça y est, c'est fait. Le bureau du sous-chef est baptisé. Bon, je pense que personne n'a gagné, personne n'a perdu. Ni la Belgique ni la France pour le coup, hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Les Jeux Olympiques de Sochi avec la vidéo que vous verrez bien entendu demain, du moins je l'espère, dans les couloirs de Fun Radio. C'était pas facile, hein, c'était pas facile, c'était même très très compliqué à subir là ce soir en direct ces Jeux Olympiques. Bon, Toff. Toff. Ouais. Bon, tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais, hein. Oh, quelle horreur, j'ai mal partout. Ah ouais, complètement mauvais. On est de retour dans le studio là pour info. Hein. Donc catastrophique là. Il y a du, il y a de la merde partout. Oui, il y a j'avoue. Du savon partout. C'est une angoisse. J'avoue. Oh là là, retour des Jeux Olympiques demain. Le jeu retour des Jeux Olympiques demain évidemment. Il y a Mathilde qui dit j'avais le seum, me suis fait larguer, je vous écoute et je vous kiffe. Continuez comme ça, je suis nouvelle, un petit message de bienvenue. Oh bah qu'est-ce qui s'est passé Mathilde là? Quel est le connard qui a osé te larguer Mathilde là? Appelle-nous là, on va en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 si t'es en Belgique. Et d'ailleurs j'ai un petit message justement pour ton ex, tiens. Espèce d'enculé va. Voilà, ça se fait pas ce que t'as fait à Mathilde, enfoiré. Anes également, enfin ou Anne, A-N-E-S. ANES, bizarre. On t'écoute de très loin d'Algérie, Mickaël, et franchement, tu déglingues grave, un petit coucou de la radio. Eh ben merci, merci beaucoup, et puis gros bisous à toi aussi. Et Walnis qui dit mort de rire, il m'a tué sans rire, mais comment on fait pour voir les trucs de la luche, s'il vous plaît? Eh ben on va les mettre sur le... Bah déjà la luche, c'est sur le Facebook, hein, donc vous pouvez aller voir, facebook.com/mickaël officiel. Non, c'était le patinage. C'est le patinage qui est tué. Et la luge demain, j'imagine? Non, demain ce sera... Demain... Ah oui, c'est celui de jeudi alors. Ouais, c'est un petit peu de décalage. Ouais, c'est bobsleigh demain qui voilà, bobsleigh. Et donc la luge va suivre, vous inquiétez pas. Guillaume qui dit pour la question que tu as mise à propos de la branlette, je pense à polir le lance à foutre. Oui, on en avait déjà parlé effectivement de polir le lance à foutre en effet. Abdou qui dit Sochi chez Mickaël à la radio, c'est frustrant de fou. Laura également qui met rien et qui a juste mis un hashtag, autant pour moi. Et alors où est-ce qu'il est celui-là? C'est parti. Thank you Mars, il dit cadeau 30 seconds to Mars avec Nicolas Sirkis ce soir. Ah ouais, bon en même temps moi j'aime pas Nicolas Sirkis, mais bon après chacun ses goûts évidemment. Bon, on va récupérer Angel qui est avec nous de Pau. Angel, comment vas-tu? Salut toute l'équipe. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Bon, on a perdu Polo hein, pour l'instant. Donc, ah, mais ça y est, Polo est de retour là. Je pensais qu'on l'avait perdu dans les Jeux Olympiques ce soir de Sochi là, mais ça va. Tout le monde a survécu. Ah, très bien, ça va. Tout le monde a survécu. Bon, alors Angel, toi t'es passé en conseil de discipline. Tu nous avais appelé il y a quelque temps déjà, me semble-t-il. Là, ça fait un bout de temps là. Ouais, il y a 3 semaines à peu près. Ah ouais. Et donc t'avais un conseil de discipline et bah comme on n'avait plus de nouvelles de toi, je vais pas te cacher qu'on a cru que t'étais décédé. Non mais c'est vrai. Non mais bon il s'est passé je t'avais dit qu'il m'avait laissé une chance. Ouais exactement ouais. Là que t'avais préféré que je sois viré. Mm-hmm. Et tu vas être content parce que je suis viré. Non, non. Bah t'avais fait quoi encore, raconte de nouveau pour les auditeurs qui étaient pas là. Eh bien, j'avais jeté une... Enfin, il y avait une prof d'histoire là qui m'avait jeté mon carnet sur la table. Ouais. Et j'ai pas réfléchi, je lui ai renvoyé ma trousse en pleine tête. Donc, je suis passé en conseil de discipline. Ils m'ont redit tous les actes que j'avais fait depuis le début de l'année, comme quoi j'avais déconné. Et donc, ils m'avaient laissé une chance. Et puis là, il y a vendredi dernier, j'étais dans une chambre avec un copain, on était à la fenêtre, on était à 1h du matin en train de faire les cons, donc voilà, ils m'ont amené chez le directeur le lendemain et il m'a viré définitivement. Ah ouais, bah ouais, mais en même temps, voilà, écoute, fallait s'y attendre Angel, hein, t'as fait de la merde, j'espère que ça te servira de leçon. Ouais. Bon bah j'espère en tout cas, hein, j'espère. Bon, et du coup, tu vas trouver un nouveau bahut là? Enfin, tu vas essayer? Ouais, j'ai trouvé, ouais. Ah d'accord, ok. Bon, et ça t'a servi de leçon? Tu vas plus faire les mêmes bêtises? Bah ouais, c'était une connerie débile, quoi. Bon, bah j'espère pour toi, Angel. Bon, bah merci de nous avoir tenu au courant, en tout cas, c'est gentil. Ouais, merci. Et pour le coup, tu prends un coup de pelle. Voilà, c'est tout ce que tu mérites aussi, par rapport à la prof. Exactement. Salut, Angel. Salut, ciao. Allez, ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va récupérer Romain, Hugo dans quelques minutes pour parler des lieux insolites, les appels de Toff également. C'est juste après Tiesto qu'on écoute Red Light. Bonne nuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh là là, oui, on est en direct sur Fun Radio. Il y a Fabio qui dit salut l'équipe. Alors moi, en lieu insolite, promenade des Anglais à Nice en hiver avec un soleil magnifique. Continuez comme ça, déchirer. Wow. Merci Fabio, cool, ça, sympa en plus. Du coup, il y a pas grand monde hein, en plein hiver. Fanny qui dit étant une petite fille sage, j'ai pas d'infos à vous donner sur moi, mais ma sœur avait la fleur en feu qu'elle s'est envoyée en l'air avec son mari sous une caméra de surveillance dans un parking souterrain. Ah, sympa ça, Fanny. Et la vidéo, elle est où? Miller aussi qui dit dans un hamac entre deux cocotiers en pleine journée à la plage. Sympa. Michel également. Qui dit salut, je vous adore, vous êtes des oufs. Oui, on fait ce qu'on peut et encore on se retient un peu. Dédé Ogué aussi qui dit une expression pour se branler, c'est se palucher. C'est relativement simple. Alors, il y a quoi aussi comme message? Il y a J qui a envoyé, c'est ce que j'ai comme, comme info. Hein. Il dit salut, je peux passer une dédicace à ma chérie Elou que j'aime, merci d'avance, je vous écoute depuis le début. Bonne soirée à l'équipe. Je pense qu'il a envie de te casser les pattes arrière ce soir. Et il y a également un message de Johan qui dit Mickaël, remercie un Anglais qui a perdu sa GoPro Hero 3 Plus ce week-end à Tignes Val d'Isère. Ah bah écoute, bravo à toi, hein, c'est bien d'avoir... c'est bien de ne pas laisser la montagne sale. Tu as ramassé et tu as bien fait. Mais oui, mais oui. Après ça reste, ça pourrit et tout, ça sert à rien. Complètement. Il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez participer à cette grande émission, si vous voulez poser des questions à un animateur qui va vous écouter, un peu psychologue également qui est là tous les soirs, c'est qui ça. Vous écoute, c'est dans une vingtaine de minutes. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. On fait les derniers appels de la journée? Allons-y. Allez, je rappelle que depuis tout à l'heure, on essaye de vérifier cette information que nous avons trouvée aux États-Unis, comme quoi apparemment les femmes préféreraient les films porno amateurs aux films porno grosses productions style Dorcel par exemple. Donc on appelle depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses. Hein, faut non, je me suis même assez déçu. C'est même un échec cuisant, hein, un zéro pointé. Oui. Donc bizarre. Bon, on y va, c'est parti, on appelle. Et on voit ce que ça donne. Note à 1h36 du mat. Allô ? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si c'est vrai que vous aimez regarder des films porno amateurs. Comment ? Bah, il paraît en fait que les femmes préfèrent regarder des films porno amateurs et du coup, je voulais savoir si c'est vrai. Mais en quoi ça vous regarde ? Je peux savoir ? Bah, parce qu'en fait, je vous ai appelé pour vous poser la question. Bah, essaye, après tu viens me voir, ok ? Bah, c'est ce que je fais en fait. J'essaye de vous poser la question là. Ben non du tout, alors maintenant tu fermes ta gueule et tu me laisses tranquille, ok? Mais enfin madame, pourquoi vous dites ça? Ben parce que tu me fais chier, c'est tout. Mais je vous fais pas chier, je vous pose une question. Oh bah ouais, mais bon, alors si on peut même plus poser une question. Mais maintenant. Oui, c'est ça, juste une petite question de rien du tout. Mais ouais, c'est ça, si on peut même plus poser une question, j'ai envie de dire, où va-t-on? Bon là, pas très loin, mais on va quand même la rappeler, du coup c'est parti. Allez. Bon, tu me fous la paix? Mais oui, mais vous répondez pas à ma question madame. Attends. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, parce que j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Quoi? Ben, je voulais savoir en fait si elle préférait si c'est vrai qu'elle préférait les films porno amateurs. Putain, il y a un nouveau raccroché. Oh là là, quel relou. Attends. C'est reparti. Il veut quand même répondre l'autre là, il est relou. Encore une fois, j'appelle les flics. Mais madame, faut pas le prendre comme ça. Allô? Si nous le demande si gentiment. Hop, on rappelle. Hein. Va-t-elle appeler les flics ou pas? On verra. Oui, excusez-moi madame, mais faut pas le prendre comme ça. Au cas où ça vous intéresserait, mon frère est gendarme et mon mec travaille à la BAC. D'accord, okay. Et alors? Et alors, si vous continuez à me faire chier, vous allez entendre mes nouvelles. D'accord, mais vous pouvez pas répondre. Allô? Ah non, elle répond. Oh là là! Bon, ben on restera. Mais monsieur, tu as eu peur maintenant que son frère est à la BAC. Oh là là, grave! Sinon, son mari est à la BAC et son frère est gendarme. Oh là là, je me sens fou! Ouais, c'est bien, hein? Ouais, non, là j'ai. Bon bah du coup on va arrêter là alors. Bon, il y a Dragon qui dit d'autres expressions également, s'astiquer le casque, se faire mousser le créateur. Et celle que je préfère, faire couler l'eau de la vie. Oh, c'est pas mal. On peut faire couler l'eau de vie également. Johan qui dit, moi j'ai déjà fait l'amour dans une piscine municipale avec la maître nageuse. Sympa Johan. Le prince Nadia qui dit, j'aimerais bien trouver un très bon lieu insolite que personne n'aurait jamais testé. Est-ce que vous avez des idées? Que personne n'a jamais testé, c'est difficile. Un truc que personne n'a jamais testé. Si, moi j'ai un truc. Vas-y. Dans la chambre à coucher de la mère de Toff. C'est vrai que personne n'a n'a jamais testé. C'est insolite et personne n'a fait. C'est vrai. DJ Roms qui dit aussi sur le Twitter, quand un moustique se pose sur ses testicules, tu comprends que la violence ne résout rien. Et alors Secretly qui dit jouer avec Popol avec les deux orphelines. Kev également, Kev06600 qui dit un petit message de bienvenue pour mon pote Jérémy Barral, l'équipe, avec plaisir. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Eh ben voilà Kev, hein, suffit de demander, c'est pas un problème ça. Bon, on va prendre également, où est-ce qu'il est? C'est Hugo qui était là pour justement les endroits insolites là de Bordeaux. Salut Hugo. Salut l'équipe. Salut à toi, comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon, ben bienvenue. Alors, toi, c'est quoi les endroits insolites dont tu vas nous parler là? Ben moi, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu une boîte de nuit à Paris. Ouais. Laquelle? Laquelle, je sais plus, ça fait longtemps. Ah. Il y a eu le TGV Bordeaux-Paris dans les chiottes. Ah mais c'est crado le TGV, les chiottes du TGV. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Parce que moi j'ai dans l'Eurette. Ouais non mais je veux dire c'est crado, je veux dire enfin moi les deux fois où j'ai voulu essayer, c'était tellement dégueulasse qu'on a abandonné l'idée quoi. Et après j'ai fait ça dans les chiottes du Stade de France et dans les chiottes de chez Mickey. Oh là là, mais que les endroits où c'est bon, chez Mickey à l'ami, je sais pas mais et le Stade de France va quand même être dégueulasse quoi. Non, c'est propre ça. Ah ouais? Ou alors t'étais le premier parce que je peux te dire que tu passes à tu passes à la fin d'un match de foot ou d'un concert, je peux te dire qu'à mon avis ça doit pas être très clean hein. Non, c'était à la mi-temps d'un match de rugby donc bon ça allait quoi. Ah ouais alors peut-être effectivement ouais. Bon bah là d'accord ok. Pas mal, et c'est qui est demandeur? C'est toi qui demandais ou c'est ta meuf qui venait vers toi pour te demander? Un peu les deux quoi. Un peu les deux, bah c'est bien au moins vous êtes trouvés, c'est cool. La boîte de nuit c'était moi. Ouais. Le train c'était elle. Mmh. Et le stade c'était un peu tous les deux quoi. D'accord, ok, pourquoi pas. Non mais tant mieux, c'est bien. Au moins vous vous êtes trouvé. J'ai une petite expression pour se branler. Ah bah vas-y, nous sommes tout ouïes. Moi je dis je graisse la machine. Je graisse la machine. Ah, c'est pas mal. Ouais, il y a un peu de recherche, c'est pas mal. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, ben merci en tout cas d'être passé là. Tu reviens quand tu veux. Ouais, Hugo. Je peux te poser une petite question, enfin à toi ça. Ouais, vas-y, il est là. Ouais. Parce que bon, ma femme m'a quitté l'année dernière pour la Saint-Valentin. Ouais. Et je voulais savoir s'il a pas une meuf ou deux à présenter. Bien sûr. Du Lédron. C'est le carrefour de l'amour, de la meuf. Du Lédron. Bien sûr, j'ai toujours un cajot ou deux à présenter. Ah oui. Et c'est comme Gouna Bordeaux. À Bordeaux, bah écoute, je sais pas quand on nous invitera, hein, quand tu auras des cannelés à manger. Vas-y, je vous invite moi. Non mais écoute, oui, de toute façon on va devoir, enfin on va pas devoir, on va faire le tour. Hein. On a déjà été à Noyon en Picardie, on a déjà été à Nancy, on a déjà été à Montpellier et on a déjà fait tout ce côté-là, mais on va faire l'autre côté. Hein. On va bouger un petit peu. On sera au Havre également, je le rappelle. Je sais plus encore où, je vous le dirai là, mais début du mois de mars. Voilà, comme ça vous allez pouvoir venir nous voir. Et puis on va essayer d'enchaîner à Bordeaux aussi. T'inquiète pas, bien sûr qu'on va venir. Parce que moi je fais mon anniversaire dans un mois à Bordeaux et. Ouais bah si t'inquiète. Vous voulez venir ou pas. Bah on va faire l'animation. T'as fait se déguiser en clown. Mickaël va faire le DJ, moi je vais servir. Non, Toff il va se déguiser en cannelé, il va se manger lui-même. Ah c'est bonne idée ça. Voilà, là, parce qu'il aime bien les cannelés. Et la mère à Toff, ça sera. Bien sûr, elle va comme venir. Tu parles pas comme ça de la mère à Toff. Ma pauvre mère. Elle va venir la mère de Toff, t'inquiète pas, évidemment. Bon, eh ben merci pour l'invite en tout cas Hugo là. Et Bordeaux, t'inquiète, c'est prévu, on va venir. Bah voilà. Y'a pas de problème. À bientôt Hugo. À bientôt les gars. Salut, ciao, à bientôt, bye bye. Romain est avec nous également de Nantes là. Salut Romain. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bah très bien. Il y a Stéphanie sur le Twitter qui dit, est-ce que quelqu'un a déjà testé sur le bureau de Polo parce que ça m'intéresse, hashtag fantasme. Bah écoute, pour moi personnellement non. Je pense que personne, mais après on sait pas ce que Toff fait dans le bureau. Oui, après on peut pas savoir. Oui, mais non, toujours pas. Mais bon, s'il y a des filles intéressées, qu'elles n'hésitent pas à envoyer leur numéro et leur photo. J'imagine. Toff at Fun Radio. Bien sûr. Bref. Il y a Tristan qui dit le truc jamais testé dans une fusée. Oh, sans déconner. mais oui. Juste énorme la vidéo là tout à l'heure. Vous êtes bon. Et alors un autre message aussi qui est arrivé de Sayaruka. Il n'y aura jamais eu autant de godes dans les foyers français. Et ça c'est grâce à Mickaël No Limit. Oui, c'est vrai. Et pas que grâce à moi, grâce également à PassageDudésir.fr qui en offre tous les soirs, bien entendu. Let's Be Flux, il dit moi je préfère l'amateur également en film X. Et coucou c'est Natacha, j'ai entendu que vous alliez au Havre, c'est où le 8 mars car je veux zouker avec Toff, j'ai 27 ans et je suis fan. Bah écoute avec plaisir Natacha, on va zouker. Je veux zouker. Waouh. On va zouker ben, Natacha. Je vous dirai ça dans la semaine où on va, vous inquiétez pas. Et Julien qui dit tu crois que la fistinière, ils ont un Facebook. Un Facebook. Bon alors qu'est-ce qui t'amène Romain, on parle de quoi avec toi? Bah c'est que j'ai 18 ans et je bon anniversaire, bravo. Ouais, bravo. C'est pour ça que tu nous appelles ou pas? Ah non, non. Ah d'accord, ok, comme tu dis, j'ai 18 ans, je pensais que ça allait arriver. Très bien, alors vas-y, dis-moi. Et je sors avec une fille depuis à peu près un mois, sauf qu'elle, elle a 5 ans de moins que moi. Alors attends, donc t'as 18 ans, et elle a quel âge? 13. Oh là là, mais qu'est-ce que tu trouves? Alors, excusez-moi les filles, parce qu'il y a des filles de 13 ans qui écoutent, 14, tout ça. Il n'y a aucun problème. Qu'un mec de l'âge de 14 plus ou moins s'intéresse à une meuf de 13-14, normal, pas de problème. Mais quand t'as 18, qu'est-ce que tu trouves à une meuf de 13? Ok, c'est vrai qu'il y a des filles de 13 ans qui sont déjà formées, qui ressemblent à des filles de 18, hein, je dis pas le contraire. Mais, enfin, la majeure partie des filles sont pas formées encore complètement. Enfin, c'est tu vois. Bah il faut bien qu'ils trouvent quelqu'un à qui jouer à la poupée. Non mais même si des fois moi je comprends et puis, pas comment il fait ses devoirs ensemble, ils font leurs devoirs. Non mais tout, c'est bien. Non mais sincèrement je comprends pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? Voilà, parce que maintenant on a un exemple là, t'es là justement, qu'est-ce que tu lui trouves? Bah je sais pas, elle est toujours là pour moi, elle est sympa, c'est le principal, non? Oui, mais tu dis elle est toujours là pour toi, elle est sympa, on dirait que tu parles d'une pute. Non, je parle pas d'elle, hein. Je dis juste, elle est sympa, elle est toujours là pour moi, elle est sympa. Donc c'est le principal. Bah oui, mais enfin, une pute aussi, elle est sympa si tu la payes. Hein. Oui, mais tu la payes. Oui, tu la payes, ouais. Mais la 13 ans, ça te choque pas qu'elle ait 13 balais? Et même les, même les centres d'intérêt, c'est comme les mecs qui ont 30 ans qui sortent avec une meuf de 17 ou de 18. Ok, c'est 18, vous pouvez le faire. Mais il y a un moment, les centres d'intérêt sont pas les mêmes. Le mec qui travaille, il a 30 balais. Ou la meuf, ça marche dans les deux sens. Hein. À 30 ans, tu bosses, t'as une vie active, tout ça. 18 ans, t'es au bahut, t'as pas les mêmes centres d'intérêt. C'est juste ça, en fait, le problème à la base. Donc là, vous parlez de quoi? T'as 18 ans, elle en a 13, vous parlez de quoi? Des crushs? Des tables de multiplication? Enfin, bon, là, non, d'accord, ok, c'est qu'elle a un peu retardé si elle est encore aux tables de multiplication à 13 ans. Mais je veux dire, vous parlez de quoi, sincèrement? C'est quoi votre sujet de discussion? Bah, tout et n'importe quoi. Hein. Ouais. On raconte notre vie, quoi. Vous racontez. Bon, un exemple. Alors, imaginons, je suis. Comment elle s'appelle? Marion. Marion. Salut, c'est Marion. Ça va? Oui. Oui, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Bah, j'étais en cours. Super, moi aussi. Ah, grosse discussion. Non, grosse conversation. Non, mais vous parlez comme ça alors, vraiment? Non, mais bah, on se parle de tout et voilà. On s'engueule et tout. On se parle de tout. Ah, vous parlez de tout. Écoute, ça a pas l'air bandant comme ça, hein. Bah, dans mon entourage, t'en as qui trouvent ça normal et d'autres qui trouvent ça choquant. Bah, écoute, je vais pas dire que je trouve ça choquant ou normal, je trouve ça bizarre. Bah déjà t'as 18 ans, elle en a 13, donc déjà même légalement c'est pas normal. Enfin, tu vois, oui. Même légalement ça tient pas. Maintenant après, bah dites-nous les autres là, venez nous en parler là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On en parle justement avec notre ami Romain et puis on fera le polo contre le reste du monde sur Fun. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, Nos limites. On Fun Radio. Et je vous l'avais promis, tiens, on va se le faire maintenant, comme ça on va chiller pendant que Tov va... chier. Voilà, comme d'habitude. À 1h47 du mat, toujours au cœur de la nuit, sans pub, c'est Mickaël No Limit. Vous avez choisi Fun Radio et vous avez bien fait, on est là jusqu'à 2h. Et on s'écoute l'excellent Daft Punk, c'est Instant Crush sur Fun Radio. Allez, bonne nuit tout le monde, dernière ligne droite de l'émission là avec les Daft Punk à l'instant, Instant Crush. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct évidemment avec Ariel qui dit le mec appelle pour raconter son détournement de mineur. C'est assez surréaliste, j'avoue. Kamgen qui dit ça va l'équipe. Moi, mon expression pour la masturbation, c'est je veux distraire le baron. Et s'il te plaît, Mickaël, c'est mon anniversaire. Tu peux me le souhaiter en live. Continuez comme ça, vous gérez. Bah ouais, si tu veux. Ouais. Alors attends, j'ai même la petite musique d'anniversaire que je vais te caler là. Hop là, ça y est. Bon anniversaire. Voilà. Voilà Kamgan. Eh ben voilà, bon anniversaire Kim Gann. Il y a Angel qui dit petite expression, se dégraisser la saucisse ou s'astiquer la flûte des dredons. Vous jugez. Oui, pourquoi pas, on va juger. Charles Lee aussi qui dit j'ai déjà testé dans un accro branche et Let's Be Freaks. Il dit je suis là pour tester le bureau de Polo, très cher Toff. Bah avec plaisir, je pense que Polo peut t'inviter pour tester son bureau. Ah bah voilà. Non, Antoine, c'est toi qui kiffe mec. Bah ouais, c'est ça. Antoine qui dit je connais une meuf de 14 ans qui est sortie avec un mec de 24. Ce qui paraît, ils ont couché ensemble, c'est le père qui a dû aller voir le mec. Tu m'étonnes. Moi j'ai une fille elle a 14 ans et je l'apprends qu'elle couche avec un mec de 24. Oh là là là là. Enfin bon. Je ne suis pas père et encore moins j'ai une fille de 14 ans, donc tout va bien. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Il y a Stéphanie également qui est avec nous là. Salut Steph. Ouais, salut Mika. Ouais, salut Steph. Salut. Allô. Comme, oui, allô, tu m'entends, ouais. Steph. Ouais, super. Bon, t'appelles de Villepinte, toi, dans le 93. Oui, c'est ça. Très bien, Steph. Alors, toi, tu voulais parler des endroits insolites où t'as déjà fait l'amour, Steph. Ouais, dans. Est-ce que tu peux couper ta radio, Steph, parce qu'il y a de l'écho, du coup, et du Larsen. Ah, excuse-moi, c'est bon. Ouais, nickel, vas-y. Tu as fait ça où? Dans une cave. Avec Toff. Ouais. Comment ça, ouais? T'es sérieuse avec Toff? Ouais, c'est avec Toff. Allô. Ouais. Non mais attends, mais sérieux là, avec Toff, avec la tête de con qu'on a dans le studio là, celui qui. Bah ouais. Mais alors raconte tout. Ah ouais, bah c'était super, j'ai trouvé. Bah tu l'as rencontré où? Attends. Arrête de. Arrête. Et tu l'as rencontré comment? On connaît ses techniques donc tu ne peux pas nous mentir. Ouais. Allez Steph, hey, vas-y, t'inquiète. Steph! Steph! Oh là là, malheureusement c'est encore une enfer. Oh c'est dommage. C'est dommage de pas aller au bout. Mais oui! On va parler à tout le monde là, c'est con là. Bon. Ah bah ouais. Oh c'est con. Oh là là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Ouais, bon c'est bon. Ouais, attends, alors, le problème, si vous voulez passer en forcing à l'antenne, moi ça me pose pas de problème, on s'en fout, nous, on prend tout le monde, vous avez vu, vous êtes les bienvenus. C'est juste que Yaman, tu vois, le problème c'est qu'elle a arrêté de parler, on va le reprendre dans un instant, mais il ne faut pas crier dans le téléphone, sinon ça ne marche pas. C'est comme si je parle comme ça et je parle. On ne comprend rien. C'est pas mal. Voilà, donc on va réessayer. Ah, tu limites bien. T'as vu, j'essaye. Est-ce que quelqu'un est là, Steph, ou le mec, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a besoin de crier là? Non, en fait, on l'a fait il y a deux minutes. On voulait raconter une histoire insolite où c'est vraiment, où on a vraiment couché dans les endroits insolites et on vous appelle tous les soirs et on n'est pas passé. Bah, comment et ça se fait? Ça fait une voix de fille, ben ça passe, je sais pas, c'est bizarre. Ah, ben c'est, je te confirme. Bah ouais, bah pourtant, c'est marrant parce qu'il y a deux gonzesses au standard, donc c'est plutôt la mythe, un mec qui devrait passer. Hein. Bon, bah, écoute, bah, comment tu t'appelles du coup? Je m'appelle Karim. Bon, bah Karim, alors raconte, t'es le bienvenu, Karim, y a pas de problème. Bah, merci. Ah, bah, avec plaisir. Allô. Et là c'est Willy, en fait on est une équipe de transporteurs, on a déjà eu votre collègue avant, juste avant. Et je vous passe Christopher pour qu'il vous dise bonsoir quand même. Bon bah oui, mais surtout on voudrait avoir l'histoire parce qu'apparemment vous aviez un truc. Un vrai plan insolite. Un vrai plan insolite, sérieusement, on était trois. Attends, mais non, mais les ardeurs comptent en tout ça. Non, sérieusement, une vraie histoire insolite. Une fois, on s'est retrouvés à Meaux. On a vu une fille à la gare qui est montée avec nous. Ouais. Qui nous a ramené dans un garage souterrain, mais je t'explique même pas le délire. Et on s'est retrouvé à trois avec cette fille-là. Et je peux t'assurer qu'on a passé une soirée. Ah, vous vous êtes mis bien les cochons là, hein? Hein? Vous vous êtes mis bien les cochons? Bah nous on travaille de nuit, on est des gros cochons, franchement. Mais les mecs qui bossent de nuit souvent, c'est il se passe des trucs. Nous, hein. Ouais, bah bien sûr, des fois on prend des filles, ça dépend. Bon, là on se retrouve entre mecs. On a voulu vous faire une petite blague parce que pour le principe. Allez, on attendait votre appel, franchement on vous kiffe, nous, on vous kiffe. Mais t'inquiète, nous aussi. C'est pas contre vous, ça n'a rien à voir contre vous, désolé pour toute cette mascarade, mais on voulait vous parler et vous dire qu'on vous kiffe. Eh ben, et qu'il c'est faut gentil. Continuer comme ça. Eh ben t'embrasses tout le monde, Christopher, Karim, Stéphanie, tout le monde, y a pas de problème. On vous fait un gros bisou et bonne fin de soirée, bon, au revoir. Et bonne bourre dans les prochains trucs, hein, quand vous avez des autres plans là, vu que vous êtes pas loin de la radio, vous dites, attends, on vous enverra Toff comme éclaireur. Oui, je viendrai vérifier tout ça. Bah on le prend même dans l'équipe si vous voulez. Voilà, si tu veux aussi, y a pas de problème, Toff est pas loin, donc il passera avec l'autolib hein, pour vérifier tout ça là. Dans le truc souterrain, dans le parking souterrain. Salut les gars. Allez, salut, salut à vous, ciao, bye bye. Bon, il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver. Ouais. Romain, ce que je te propose, c'est qu'on te reprenne demain soir pour en parler, avoir l'avis des autres auditeurs, pour voir s'il y en a déjà effectivement qui sont peut-être tapés des garçons ou des filles beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeunes, puisque toi t'as 18 ans, si tu tapes une meuf de 13, ce qui me paraît un peu improbable. Mais bon, c'est ton avis, c'est ton droit en tout cas. Enfin, même sinon, tu n'as pas le droit justement de le faire à la base. Mais on en parlera demain si t'es dispo vers 23h. Ça va ça? Ah merde, c'est moi qui fais. Je lui parle mais je l'ai pas mis en l'air. Romain ? Oui ? Voilà, ça te va demain si on te rappelle à 23 ? Parfait, oui. Bon, eh ben écoute, on fait comme ça alors, c'est impeccable. Ça roule, Romain. À demain 23h. Demain. Salut, ciao à toi. Il y aura un tirage au sort aussi pour filer le t-shirt comme un air de rock là sur le Facebook de l'émission. On va se faire le top tweetos dans quelques minutes. Mais avant tout cela, bien entendu, il y a cette grande émission maintenant qui grandit de jour en jour et jour en jour et jour en jour et qui s'arrêtera peut-être aussi un jour ou l'autre, peut-être, c'est possible également. Cette grande émission. Mais ça c'est sûr. Non, il faut pas partir négatif. C'est vrai, faut pas partir négatif, c'est pas bien. Mais donc cette émission n'est autre que Polo Against the Rest of the World. Ah, pourquoi ça démarre? Oui, c'est ça, je suis là. Voilà. Bienvenue dans Polo Against the Rest of the World in English et en français, Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Je reste debout parce qu'en fait, Tof a mis du savon sur toutes les chaises et je ne peux pas m'asseoir. On commence juste avec la biatch. Bonsoir à tous, Flamper. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je veux t'enculer. Eh ben avec plaisir, prends ton tour. Sujet. Allô, Vincent. Salut Polo. Salut Vincent. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. T'es sur Fun Radio. Je suis super content d'être dans le Polo contre. Super, Jean, je t'écoute. Ouais, je voulais savoir quelle est la technique pour draguer quand on a une sale gueule comme toi. Bah écoute, moi je ne drague pas, les femmes viennent à moi, car je suis fait de la radio, tu sais, c'est beaucoup plus simple. Mais bien sûr. Ben oui, c'est simple. Ben oui, si je te le dis, Vincent. Tu croyais quoi toi? Allez, dégage, dis c'est. Jean? Jean? Jean? Jean? Allô, oui. Ouais, Jean, tu m'entends? Allô? Non, mais allô, oui. Ouais, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, quelle est la technique pour draguer quand on est. Quand t'as une sale gueule comme toi? Jean, j'ai une belle gueule, je suis un beau gosse. Je suis ce qu'on appelle les séducteurs. Tu ne peux pas t'imaginer, les femmes tombent à mes pieds. À 100%. Eh ben oui, à 100%, contrairement à toi, espèce de tête de con. Va. Filou, je t'écoute, et bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Oui, Polo. Salut, Fifi. Est-ce que tu pourrais me faire un petit baiser à la côte? Oh, quelle horreur! Le parasite dans Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo. Salut, le parasite. Ça va? Ça va, et toi? Je te trouve super top. Je te remercie, le parasite. Ouais, et je veux savoir, il y a un iPhone 5 à gagner, là? Ah, non, il y en a pas. Vas-y, s'il te plaît, allez. Mais non, je te dis. J'ai un téléphone tout pourri, je suis sûr que t'en as plein là. Mais non, t'en j'ai plein, rien t'en du tout. Plein, non, tu sais même pas quoi en faire, je parie que tu les vends sur eBay. C'est une émission de service, je suis là pour aider les gens. Justement, mais bah, rends-moi un service. Il n'y a pas de cadeau dans Polo contre le reste. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, Karine, dans Polo contre le reste du monde. Polo, est-ce que tu baises? Non, je baise pas, pourquoi? Bah parce que t'es bonne. Pourquoi tu te prends pour Alf? Tu veux pas assumer ta voix de merde? Non. Allez, fous le camp. Anthony! Ouais, allô. Welcome dans Polo contre le reste du monde. Ouais, et toi? Ça va, ça va. Alors, est-ce que je peux passer une dédicace à David et Non, on va te dégager d'ici, t'es ouf ou quoi? Ici, c'est pas une émission de dédicace, c'est une émission de service. La biatch, le retour dans Polo contre le reste du monde. En parlant d'émission de service, je n'ai pas d'habit. Est-ce que tu pourrais t'occuper de moi? Mais en fait, tu crois que t'es drôle, la biatch? Mais non. Ah bon? Allez, fous le camp. Vincent! Oui, Polo, alors ouais. Je voulais poser ma question. Je t'écoute. Dans quel département se trouve la ville de mon cul? Parce que j'avais pas trouvé sur Google. Elle est sur ta tête. D'accord, ok, merci voilà. Polo. Salut Vincent, Jean. Ouais, bah écoute, je connais un garagiste qui s'appelle Georges et qui pourrait te réparer des soupapes encrassées de ton cul. Et éventuellement les graisser. Eh hey Jean, tu m'en veux? Tu m'aimes pas, c'est ça? Non, si. T'es quoi, jaloux, bien sûr, tu es jaloux. Bah, attendez. Jean, non, tu es jaloux. Tout. Jean. Bah, j'avoue, oui. Tu es oui. Jaloux, voilà, je suis dis-le. Je suis désolé. Crie-le haut et fort, je suis Jean. Je suis un bouffon et je suis jaloux de Polo. Ah, ouais, mais dis-le. Ma femme, elle dort. On l'emmerde, ta femme, bon. Vas-y, hurle. D'accord, bon, d'accord. Attendez, allez, j'ouvre la fenêtre. Je dois dire quoi? Bon, il est complètement abruti, lui. Filou, le retour. Oui, Polo. Oui, Fifi. Oui, ça te dirait que je te pisse dans la bouche? Non. Bah, pourquoi, Polo? Bah, parce que ça m'intéresse pas, Filou, je n'aime pas ce genre de pratique. Mais ça t'exciterait pas que je te fasse caca dans la bouche? Non, ça ne m'intéresse pas. Le retour du parasite. Allô, Polo? Ouais, je t'écoute, le parasite. Je te kiffe, Polo. Merci, c'est super c'est cool. C'est vraiment une super émission, c'est vraiment génial. Je te remercie, moi aussi, je te kiffe. J'ai pas un iPad Air. J'ai pas d'iPad Air. Putain, ou un MacBook Air. J'ai pas de MacBook Air. Ouais, Oh ta mère. J'ai pas de mère. Oh putain, allez, vas-y, fais pas ton chien là. Mais j'ai rien, oh là là, il est chiant celui-là. Karim, le retour, le roi des comiques, je t'écoute. Karim. Bon ouais. Allez, fous le camp, tu m'as saoulé. Anthony. Ouais, allô, ça ouais, va. Ouais. Bon, c'était pour dire à David et Vincent. Oh là là, il est chiant celui-là. Allez, les derniers tours polo contre le reste du monde. On commence avec Anthony. Anthony. Oui. Vas-y. Allez, dégage d'ici. Le parasite pour terminer. Allô, Polo. Oui. Je te kiffe. Merci beaucoup, Parasite. C'est vraiment une émission qui déchire. Je te remercie, le Parasite. Est-ce que t'aurais une télé écran plein? Non, j'ai pas ça. J'ai allez, rien. Vas-y, je suis sûr que t'en as plein, là. J'ai pas de cadeau, moi, le Parasite. Vas-y, file. T'en bon. As plein, je parie. Bon, le Parasite. Allez, allô. Tu raccroches ou je te raccroche au nez? Non, t'as une émission qui déchire, Polo. Je te remercie. Allez, au revoir. La biatch. Taxons-nous, ma déesse. Taxons-nous avec toi. Allez, dégage, toi aussi. Qu'est-ce que t'es relou. Vincent, le retour. Oui, Polo. Allez, on conclut soeur... vite. Oui, ma soeur, elle voudrait une carte dédicacée parce qu'elle est trop fan de toi. Eh bah, parfait, je lui fais ça. Jean, pour terminer, une question à ouais, la con encore. Non, c'est bon, je suis dehors. Je crie ce que tu veux. Je veux rien, moi, Jean. Non, je crie ce que tu veux. Ah, il crie, je suis Jean, je suis un bouffon et je suis jaloux de Polo. Je suis Jean, je suis un bouffon et j'en kiffe Polo. Voilà, allez, dégage d'ici, Filou, pour toi, j'en kiffe. Oui, Polo. Oui, Filou. Oui, j'ai sorti le père de mes deux enfants. Et vas-y, fais-le, astique-le. Attends. Allez, Filou, on t'écoute. J'entends bon. Polo. Ah, j'entends ça, Filou. Filou, ça t'excite, espèce Polo de gros pervers, full camp d'ici, c'est une émission de service, on ne rigole pas avec le service. Merci pour tous ceux qui ont participé à Polo contre le reste du monde. Ça se termine. Là, on se termine. Oui. Là, on s'en va tranquille. Ah, il faut se terminer. Pépère hein. Tranquille à l'ancienne. Je confirme. On va se faire le top tweetos dans quelques minutes. On va également tirer au sort le gagnant ou la gagnante pour les t-shirts comme un air de rock que je vous offre toute la semaine sur Fun Radio. Si jamais ça vous intéresse, il suffit d'aller sur le Facebook de l'émission tous les soirs. Hein, vous faites like, partage comme d'habitude. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec le t-shirt qui vaut quand même 90€. Hein. Quand même un beau t-shirt et c'est gratuit tous les soirs sur Fun Radio, donc continuez si jamais ça vous intéresse. Le top tweetos d'abord avec bien entendu ce magnifique sextoy au deuxième dans le classement top tweet qui repartira donc avec son sextoy offert par passagedudésir.fr. voilà, quels sont les auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Eh bien on y va maintenant, le numéro 5 Fred S, le numéro 4 Mamselle Océane, le numéro 3 Secret Key, le numéro 2 qui est Let's donc le gagnant Freaks. Elle a déjà gagné, dommage. Le numéro 1 DJ Roms. Très bien, qui n'a pas encore gagné dans cette histoire? Alors on va filer ça au celui qui a gagné, qui n'a pas encore gagné, hein, Let's Be Freaks, c'est à dire qu'elle peut presque ouvrir une boutique de cul tellement là des sextoys à la maison. Elle appelle ça une godothèque. Une godothèque, voilà, c'est ça. Nous avons une très charmante Crystal qui est 6ème. Oui, qui est étudiante infirmière. Non mais est-ce que c'est la première qui n'a pas encore gagné dans, parmi le top 6 du coup? Bah il me semble, je demande confirmation à... Non mais Fred S34 il a gagné hier, il peut pas gagner tous les jours. Ouais. C'est ça, non mais il a gagné la semaine dernière effectivement. Et même si c'était pas un sextoy, il a quand même gagné la semaine dernière. Bon mais Crystal alors, hein, partons sur Crystal alors. Bah voilà, c'est ça, c'est bon, c'est Crystal. Eh Crystal, c'est Mickaël qui te les offre, c'est pas tof. Parce qu'il va essayer de t'enfumer, de faire croire qu'il offre des choses, c'est pas lui. Il arrive, oui, je peux te montrer comment ça marche, je vais te montrer le mode d'emploi. Oui, c'est un sextoy, tof. Oui, je vais. Mais c'est pour être sûr qu'elle comprenne bien comment il marche. Ouais, c'est ça. Je suis malade, mon poumon est transpercé et j'ai un caillou dans la bite. Veuillez m'aider, jeune infirmière. Bon, et puis on va appeler le gagnant ou la gagnante là pour le t-shirt comme à l'air de rogue, mais d'abord évidemment le générique. Yo, allez, ferme ta gueule de merde toi l'enculé, tu bouffes des bites à te sucer toi l'enculé, t'es un enculeur, ton cul ton nom qui a vraiment combien comme toi, ferme ta gueule de merde toi l'enculé, car ton luc ton tout ton nom t'es un enculé, tu peux plus dormir ou bien manger car ton luc ton nom dans ta journée. Suce ma bite. T'es mon con mon ami. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? T'as vraiment une voix de tâche là quand même hein. Vous êtes déséquilibré. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ça va te faire enculer connard. Oh mais c'est ta mère hein. Je te fais bander moi. Je vais t'enculer. Je vais te montrer comment tu vas passer. Oh grand chef pute. Ferme ta gueule de merde toi l'enculé. T'as te sucer toi l'enculé, t'es un enculeur. T'es un enculé, c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des JB enculés. Suce ma bite. Voilà. Merci Lilou, comme d'habitude. Il y a DJ Rome, c'est également qui était là, qui dit quand tu kidnappes un chinois, c'est bien, tu peux leur bander les yeux avec un lacet. J'adore. N'importe quoi, DJ Rome. N'importe quoi. C'est drôle ça. Ah ouais, ouais, ouais, ah, mais quand même. Bon, il y a une Yule Pupu qui dit bah, Mickaël, bonne nuit, à demain mon polo. Oh, je t'embrasse, India. Oh, hashtag tof enculé. C'est bien, Indul Pupu, on l'a directement compris. Elle est bien, elle est bien. Comment ça se passait, ouais. Bon, mais merci à tout le monde d'avoir été connecté ce soir. Romain, Denis, Fanny également qui était avec nous. Il y avait Abdou qui était passé nous voir hier. Il y a avec qui également, il y avait Sofiane, il y avait un musicien également qui était là. Il y avait Fred S34, il y avait également Mystique, bien entendu. Il y avait Jojo, il y avait HB, J-1 pour Alexou, Secret Key, etc. etc. Merci d'avoir été bah, nombreux, hein, comme d'habitude, à être. Avoir pas... Ah merde, je vais y arriver. Hein. Merci d'avoir été nombreux, à être passé sur le Facebook, à être passé dans l'émission, et puis avoir tweeté également avec ce fameux hashtag Mickaël, justement. Comme tous les soirs, continuez. Demain, on remettra le couvert à partir de 23h. Demain soir, un invité également, Jared Leto, qui sera avec nous à partir de 23h. Je vais quand même poser la question pour la culture de JB. Jared Leto, qui est. Il adore se lever tôt. Oh putain, c'est nul. J'ai déjà fait des vannes de merde, mais celle-là, elle est quand même. Il donne envie de dormir. Hein. Ah, moi, je préfère Jared Leto tard. Enfin bon, après, c'est un choix personnel. Oh là, qu'est-ce qu'il est mauvais. Oh là là, il est mauvais, il est mauvais. Très mauvais. Aussi bon. Mauvais que sa chemise rouge là. Ouais, complètement, un carreau, une horreur. Bon, bref. Et donc, Jared Leto, donc, qui sera avec nous demain soir à partir de 23h. Et puis, on rappelle également que demain, on aura encore les smartphones à vous offrir. On aura les haut-parleurs Bluetooth Sony Box également. Les t-shirts encore comme un air de rock. Et puis, on va filer maintenant justement le t-shirt comme un air de rock, Tof. Il n'y a pas. Ah ouais, bah Tof, il a démarré en phare. Ah ouais, parce qu'on vous demande votre numéro de téléphone par message privé, donc forcément après il faut répondre pour le message privé. Alors forcément après si on répond pas, bon c'est pas grave, on va tirer au sort après. Bah oui. Eh bah du coup on tirera au sort demain. Eh bah on tirera deux. Généralement les gens ils me répondent le lendemain donc. Ah oui, c'est tellement plus facile. Bon bah oui. Très bien. Ok, ah bah c'est pas. Non, tu sais ce qu'on va faire. Je vais tirer au sort moi-même, regarde. Attends, voilà. Je vais en prendre un au pif, là tu vas voir, je vais donner son nom et puis après il se démerdera. Hein. S'il donne pas de nouvelles, il donne pas de nouvelles, hein, tant pis pour lui. Ah, oui. Alors attention, je tire au sort moi-même, je vais pas prendre dans la première page, je vais attendre un petit peu. Alors, plus de commentaires, oui, je veux plus de commentaires. Alors, attends, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais choisir. Alors attendez, je ferme réellement les yeux. D'accord. Je fais défiler le bordel là. Vous êtes prêts? Ouais. Donc il y en a qui me dit stop. Stop. Stop. Voilà. Dans ce stop, il y a, et vous allez choisir, une meuf qui s'appelle Cindy, un fan Maeve Axel, il y a Chad Jones, il y a Fanny, il y a Nat, Marjorie, Nathalie, Maxence, Maël et Théo. JB, un numéro entre 1 et 10. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo à Maël. Bravo. Maël Tessier. Voilà. Et tu vois, et pour le coup, c'est du putain de hasard. Hein. Ouais. On pourra pas dire oui, tricher, blablabla. Et il a fini rangé là avec l'applaudissement. Là. Donc bravo à Maël Tessier donc, qui repart avec le t-shirt comme un air de rock. Maël, on va t'envoyer un petit message. Il va falloir nous répondre pour avoir tes coordonnées et pour qu'on puisse t'envoyer ça très rapidement. On remettra le couvert dès demain, bien entendu, à partir de 23h. Passez une bonne nuit sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est notre ami, il est content, JB qui va débarquer maintenant, on est content, hein, voilà, il est content. Polo vient de me toucher la cuisse en me faisant des câlins, je mets la photo content. Sur Twitter. Voilà. Hashtag Mickaël, hashtag on aime les blagues de JB Fun Radio. Oh là là, mais il est content, il a que ça à faire, il est content. Voilà, c'est bientôt parti. Eh bah tant mieux. Bon, JB avec quoi au programme ce soir? De la vanne. Oui, bah c'est bien ce qui m'inquiète. Du son dance floor et de l'amour, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ouais. Très bien. Ah bah on va commencer avec David Guetta, Shut Me Down. J'avais promis tout à l'heure, on l'a pas mis. Ah ouais. Bah ouais, très bien. Sinon, vous avez quoi? Hey, Polo, t'es beau gosse. T'es allé chez le coiffeur? Non, je les ai rasés moi-même. Non. Il va pas les payer pour faire ça, cette coupe de merde. Là, tout le monde peut le faire. Ryan. Ah ouais. C'est marrant, on dirait une boule rasée. Oh là là. Bon allez, on va se quitter là, 2h11, hein, je pense qu'à un moment faut partir. Voilà, JB la nuit jusqu'à 6h et puis bah 6h avec Bruno, bien entendu, Bruno dans la radio tout à l'heure. Les gens à partir ça. De 6h. D'ailleurs je coupe le micro de JB comme ça on est sûr. Tiens, David Guetta et Shut Me Down, on a demain tout le monde dès 23h. I was five and he was six. We rode on horses.